Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron nous fera entendre ce qu'il a dans sa tête avec sa carte budget. Et Marie-Christine Perrin nous fera voir ce qu'elle a, ce qu'elle voit par ses yeux, oui, dans gratin et vin gratuit. Je crois que mon temps, c'est l'intro où j'aurais trois phrases à mettre dedans, tu sais, mais j'en écris jamais trois, j'oublie tout. C'est correct. Enfin, on a tellement de temps, garçon, gars. Je pourrais parler encore longtemps. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce mardi 29 novembre 2016, on est à 149 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait des studios de 6 fois. Toi, Rivière, et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut, Tania. Ça va bien? Et, oui, les arrêts sont rouges ce matin. Oui, quelque peu frisquet. Ouais, pas trop de vent, comme tu l'as dit, par contre, au moins. Non, c'est ça. C'est vraiment un froid qui te rentre bien gros dans le corps. C'est ça, là, ça ravigote pas pantoute le matin. T'as pas envie de vivre ça. Non. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, à l'émission, Tania, on va avoir le retour de Marie-Christine Perrin. Oh! Plus tard, à 9h, pour sa chronique Gratin et vin gratuit. Donc, on va parler d'art visuel. Elle a visité plein de choses, d'expositions, d'œuvres d'art. Donc, ça, c'est à 9h. À 8h30, David Ferron va être là pour la chronique La carte bleachée. Je pense que David essaie de me rappeler le fait que c'est pas de la musique du monde qui fait non, jouer dans sa chronique. Vrai. Parce qu'avant, c'était ça, puis j'ai comme resté sur le. Je suis resté sur le. Le pattern de dire musique du monde. Oui, mais c'est pas ça, Mathieu. C'est pas ça. Et je l'ai pas dit ce matin, mais il me reprend quand même. Tu vois, ah, moi aussi, okay. Je suis de même avec lui. Je le reprends même s'il a rien fait. Oui, ça, c'est vrai. Je suis là pour en prouver. C'est ça. Donc, il m'a dit par message texte, je vous avertis, ça fera pas très musique du monde. Donc, la carte bleachée à 8h30. Ta chronique à toi, Tania Isugan Entertainia. Tu nous présentes comme toujours quelque chose de différent à chaque matin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas parlé de télévision ou de film. Alors, ce matin, c'est ce dont je vais vous parler. Génial, c'est à 8h, donc dans une demi-heure environ. On va commencer avec le bloc pub dans quelques instants. C'est rare qu'on fait ça aussi. Donc, le bloc pub, la chronique de marketing. Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone par Clopelgag. Oui, comme tu viens de le dire, c'est une nouvelle entrée. Ça va être les ferrofluides de Fleur. C'est bizarre, Clopelgag, ces titres. C'est... Écoute, je cherche encore la connotation. On va voir. L'album s'appelle L'étoile thoracique, donc ça aussi, c'est... C'est original, par contre. C'est ça, exactement. Très bien. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h30. Sur les ondes de CIFU 89 FM. Qui sont passés devant, j'ai percé mes paupières pour regarder tout ce Les ferrofluides fleurs, Claude Pelgag, dans Assemblage requis ce matin. C'est accrocheur, par contre. Très accrocheur. Malgré le titre. Oui. Mais c'était le fun. Je cherche encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ben, on va réécouter la pièce plusieurs fois, puis on va finir par comprendre. Hein. C'est une fille songée, Claude Pelgag. Maintenant, nous, on va songer à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vendre plus notre produit. Hein? Oui. Pas notre corps, notre produit. Non, pas notre corps. Wow, c'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de $4.99 la minute. C'est le bloc pub, la chronique marketing. On parle d'idées publicitaires, bien sûr. On commence avec, tu sais, quand ta famille vient pour les fêtes, des fois, ça pourrait être le fun qu'il s'acclaque à un moment donné, hein? Oui. Donc, en effet. Oui. Donc, c'est Hotel Tonight qui a une solution pour ça. C'est de booker, en fait, une chambre d'hôtel à la dernière minute. Donc, c'est une application mobile, Hotel Tonight, qui dit que c'est bien de visiter, mais de ne pas rester. Leur campagne, c'est donc Visit, Don't Stay. Et ça nous montre des peintures à la Norman Rockwell. Donc, des personnes avec un look des années, je dirais, 80, pas mal, avec les gros cheveux, grosses barbes, grosses lunettes pare-brise. Et ça dit, ben, c'est ça, vous devriez visiter et pas rester. Ça vient d'une agence publicitaire de San Francisco nommée Odysseus Arms, qui a lancé ça sur Facebook, Tinder, Instagram, Pinterest et d'autres. Donc, les extraits vidéo, c'est des petits, c'est genre de petits. Je sais pas comment dire ça, pas un Snapchat, mais une petite vidéo rapide de 20 secondes. Et là, on voit la personne avec au ralenti faire une drôle de face. Et là, ça dit, vous en avez assez de votre famille. Visitez, ne restez pas. Allez, bookez un hôtel sur Hotel Tonight. Bien sûr, parce qu'en tant que tel, c'est pas juste aux personnes qui vous visitent chez vous de prendre une chambre d'hôtel. Ça peut être, ben, ça peut être vous qui sortez de la maison. Sortez voilà. De la maison. C'est le reste de la famille pour les héberger. Bien sûr, ce serait plate de laisser la famille toute seule. C'est vrai. Mais bon. Donc, Hotel Tonight qui se spécialise en chambre d'hôtel à la dernière minute, qui voulait quelque chose de mémorable. Et je pense qu'avec le look de tout ça, ça fonctionne bien. L'application est vieille de 5 ans, quand même 20 millions de téléchargements. J'avais jamais entendu parler de Hotel Tonight, mais c'est pas moi le public cible. Ensuite, restez confortable, même si vous n'êtes pas vraiment confortable, avec une nouvelle ligne de vêtements des fêtes très, très mou dans une nouvelle campagne par un groupe qui s'appelle Cotton Incorporated et l'agence publicitaire DDB New York qui nous offre des suggestions pour s'habiller pour passer à travers la saison de Noël. Donc, un chandail de coton, des bas de coton, un habit de coton complètement. Chemise de coton. C'est très jaune moutarde. Hein? C'est très, très, très jaune moutarde. C'est vraiment affreusement laid. À mode années 70, un petit peu, je trouve, mais comme à outrance. Ouais. Mais bon. Et puis, c'est ça, il y a tout plein de choses de coton. Et le site web offre des vêtements pour tous ceux qui veulent les acheter. Ça s'appelle Comfortable Collection for Uncomfortable Holiday Moments. Donc, une collection confortable pour les moments des fêtes qui sont plutôt inconfortables. Joli, mignon. Donc, pour le Cotton Incorporated. Ensuite, au Royaume-Uni, on bannit les fèves. Moi, c'est ça, les fèves? Oui. Les baked beans, donc les fèves cuites. Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, c'est une publicité pour Heinz Baked Beans qui a été bannie de la télé au Royaume-Uni parce que ça encourage un mauvais comportement chez les enfants. Ah bon, OK. Oui, donc la publicité s'appelle Can Song par Bartle Boggle Hegarty à Londres, qui fait référence à Cop Song, la chanson de Anna Kendrick dans le film Pitch Perfect, la note parfaite, qui a attiré plus de 311 visionnements en ligne pour sa routine de percussion. Là, on parle évidemment de l'original et non pas de Can Song. Donc, l'Advertising Standards Authority a reçu des plaintes pour le comportement des gens. On va écouter la publicité pour savoir un petit peu de quoi il en revient. Donc, c'est une canne de Heinz Baked Beans sur un poêle et le gars veut faire sortir les beans. Donc, commence à faire la manipulation. L'autre est couché sur le divan, fait la même chose. L'autre s'en va à l'école. La mère fait ça aussi. Bon, j'imagine que l'autre qui était devant son four micro-ondes, c'est peut-être ça le comportement dangereux. Peut-être. Faut mettre la canne dans le. Les gens sur un bateau mangent aussi leurs baked beans en faisant de la musique. La canne est vide en passant. Un garçon qui joue au soccer. Des gens dans un restaurant. Ouais. Oh, we're whole again. We're whole again. We're whole again. J'attends de voir le comportement d'Ozzy. Et ça dit « It has to be ». Et donc, ça n'a pas le choix d'être Heinz Baked Beans. Non, je pense qu'on va devoir continuer de lire l'article pour comprendre qu'est-ce qui est dangereux là-dedans. Hein? Jouer avec sa nourriture. Peut-être. Donc, ça dit que les acteurs sont, ils savent comment faire la chanson, blablabla. Mais tu peux te couper. C'est sûr, ça m'est venu en disant ça. Tu peux te couper par le rebord de la canne. Mais quand même, je veux dire, faut prendre des gens pour des imbéciles là, pour penser qu'ils vont faire cette chanson-là s'ils ont pas un ouvre-boîte fait exprès pour pas que ce soit coupé sur le bord. Non, ça existe. Ouais, OK. Ben, Heinz dit donc que la publicité ne cible pas spécifiquement les enfants. Mais quand même, à la fin, ça dit qu'il y a un hashtag de Cansong. Donc, c'est fait pour que tu puisses apprendre la chanson. Exact. Le ASC dont on parlait tantôt a dit que la publicité ne pourrait plus être diffusée. C'est quelque chose, hein? Ouais. C'est très, très quelque chose. Je sais pas. Ouais. Ça va loin, je trouve. Mais bon. Ensuite, l'armée du salut a une superbe photo 360 degrés qui montre la pauvreté qui est juste à l'extérieur de ton champ de vision. Une très bonne idée. Donc, c'est par la compagnie Grey pour l'armée du salut au Canada qui, donc, fait une bonne impression sur Facebook 360. Au premier regard, on a l'impression de regarder une famille complètement normale dans une scène de Noël. Les parents qui sourient, les enfants qui font des souhaits, je sais pas trop quoi, et un arbre festif, des lumières super colorées. Mais lorsqu'on interagit avec la publicité, on voit les choses d'une perspective différente. Donc, il y a une petite vidéo de démonstration, comme toujours, parce que c'est comme ça en 2016. Il faut montrer visuellement, là. Donc, cette saison des fêtes, l'armée du salut voulait nous rappeler que la pauvreté n'est pas toujours facile à voir. Donc, nous avons utilisé la nouvelle fonctionnalité Image 360 de Facebook pour révéler un côté des fêtes qui est normalement caché. Donc, la publicité apparaît sur Facebook et il y a le petit icône 360 pour pouvoir toucher. Donc, une fois que les utilisateurs interagissent avec les photos, elles racontent une histoire très différente. Donc, là, on commence à tourner autour et on voit que le cadrage de la photo était vraiment un cadrage en carton. Mm-hmm. Et là, on voit qu'autour, leur cuisine est super dégueulasse alors que dans le cadrage, c'était super propre. Là, on voit leur salle de bain, c'est tout propre aussi. Et ça dit la pauvreté n'est pas toujours facile à voir. On est dans une maison pour personnes âgées. À côté, on voit que l'appartement est tout petit, tout minuscule, avec vraiment comme absolument rien à côté et les murs sont tout tachés. Là, c'est un couple avec un bébé. On commence à voir autour de l'appartement que c'est bon, un peu, je sais pas, délabré. Les murs sont tachés bruns. Truc comme ça. Encore une fois, la pauvreté n'est pas facile à voir, particulièrement durant les fêtes. Cette saison, donnée généreusement à l'armée du salut, salvationarmy.ca. Bonne idée, non? Mm-hmm. Très bonne idée. Donc, allez voir ça. Il y a aussi une petite publicité. Une publicité télé de 30 secondes. Écoutons-la aussi, pourquoi pas. Donc, on voit une jeune fille qui se lève dans sa chambre. Elle se dirige vers la cuisine où sa mère est en train de consulter des comptes avec la main dans la face. Oh mon Dieu, que c'est difficile, les yeux qui pleurent. Et là, on recule. On voit la femme se déplacer vers le salon, s'asseoir avec ses enfants. Et là, finalement, on prend une photo. Et tout le monde sourit et est super content. Et là, on voit la carte des fêtes. Poverty isn't always easy to see, especially during the holidays. Please, give generously at salvationarmy.ca. On a toujours une voix creuse d'homme qui a l'air probablement noir. Ouais, hein? Par sa voix. Vraiment trop profonde. J'adore ça, cette voix-là. Oh, voix virile. Mais non, concept très bon. Autant, aussi bien exécuté sur Facebook qu'à la télé, j'aurais pas pensé que ça allait aussi bien s'illustrer comme concept à la télé. Très... Ensuite, c'est une agence de voyage danoise qui rêve d'une façon amusante pour que les enfants aient plus de relations sexuelles. Faites-le okay. pour le Danemark, que ça s'appelle comme ça, Do it for Denmark. Donc, c'est pas un secret qu'avoir des enfants peut un petit peu calmer votre vie sexuelle, nous dit l'article de Adwee.com. L'agence de voyage Spice Travel dévoue donc son existence au sexe parmi les Danois. En leur faisant prendre plus de vacances, ils disent que ça peut augmenter les chances d'avoir de la chance, tu comprends, par 102%. Pour la troisième publicité dans leur campagne Do It For Denmark, Spies a trouvé une idée d'un programme de loyauté Do It Forever avec un bonus de fertilité qui vous donne de meilleurs rabais pour vos voyages si vous avez plus d'enfants. Wow! Donc on va écouter la publicité et je vous la décris encore une fois, Do It Forever. Do it for Denmark. On voit une femme se déshabiller de son top. Er sexvejen til evigt. Est-ce que le secret du sexe... Est-ce que vores fælles indsats... Ça, j'ai mal traduit ça. Er est-ce que le sexe est le secret de la vie éternelle? Vores fælles indsats har nos efforts ont fonctionné, les naissances danoises augmentent de nouveau. Mais après avoir sécurisé le futur du Danemark, nous avons remarqué quelques problèmes. Voici Karen et Jørgen. Les deux sont couchés dans le lit. À l'époque, il n'était pas capable de se lâcher. Et là, on voit les enfants entrer dans la chambre et les surprendre. Finalement, les couples danois ont beaucoup moins de relations sexuelles après avoir eu les enfants. Donc, les parents se font saquer d'or en bas du lit. Ça continue pendant toute la vie, ça affecte la santé et la durée de vie. Donc là, on voit les gens qui sont morts. Ça a un impact sur la famille au complet. La petite fille qui pleure ses parents. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Parce qu'il y a un endroit où l'amour peut être ramené à la vie. Là, on passe en avion sur une île. Les gens descendent sur l'île. Ici, tout est tout autour de vous. Et une nouvelle recherche nous apprend que les vacances exotiques peuvent augmenter les chances de relations sexuelles par 102%. On voit la femme manger une banane de façon suggestive. Ce qui vous donne l'endroit parfait pour allumer la flamme. Et là, le monsieur a mal au dos. Vous pouvez dormir l'étude montre que si les femmes dormaient une heure de plus par jour, leur sex drive, leur libido augmenterait d'un certain nombre de pourcents. Et la vitamine D qu'on reçoit du soleil a un effet positif sur la libido masculine. Ah, voilà. Ouais. Et là, on voit évidemment des scènes de couple en train de pêcher, de se regarder de façon suggestive. Et la femme voit son mari, qui est une personne âgée, et finalement, elle le voit comme un jeune homme. Tout le monde est redevenu jeune, tu vois. Ouais. Ah ben oui. Et ça continue. Les gens ont des relations sans cesse ultra consentantes. Et là, on voit plein d'analogies d'explosions de geysers, de crème dans le dos, mais qui a l'air de crème de garçon, comme on l'appelle. Voilà. Allez voir la publicité au complet. C'est une publicité de 2 minutes 47, quand même assez long, mais c'est gag par-dessus gag. Avec leur Do It Forever. Ensuite, continuons avec Outlast 2. C'est un jeu vidéo qui veut essayer de sauver vos pantalons. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver vos pantalons? Je me le demande. Moi aussi. Donc, en prévision de la sortie du jeu Outlast 2, Red Barrels lance en collaboration avec la compagnie marketing Seedly une très sérieuse campagne de sociofinancement sur Kickstarter pour les couches compagnons Underscares. Inspiré par la communauté de Outlast, le studio de jeux vidéo fait ainsi écho à une réaction récurrente chez les amateurs du premier épisode de Outlast, célébré comme l'un des jeux les plus effrayants de tous les temps. Développé en partenariat avec les créateurs locaux de Montréal, la couche allie praticité, confort et style pour que les joueurs et les fans intrépides puissent se plonger dans l'horreur de Outlast 2 sans se soucier de salir leur ego et leur chaise d'ordinateur. Disponible en option de base et en édition limitée de luxe, les Underscares sont portables, confortables, de haute qualité et surtout lavables. Campagne Kickstarter qui a été lancée le 17 novembre qui se poursuit jusqu'au 9 décembre. Des couches de peur. C'est génial. C'est très drôle. Ouais. Il y a une petite vidéo encore une fois, mais celle-là, je vous la saute. Il y a comme un monsieur qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui... C'est peurant. Comme qui ont cette réaction corporelle à la peur. Ensuite, une campagne sans honte pour Easy, qui est un nouveau service canadien de livraison de produits d'hygiène féminine. Sa première campagne, signée Cossette et intitulée No Shame, souligne que les femmes ne devraient jamais avoir honte de leur menstruation. La campagne consiste en des affiches à Toronto et elle vise à illustrer à quoi ressemblerait la vie des femmes si elles n'étaient pas gênées par leur menstruation. Les exécutions seront exposées notamment dans les toilettes de bar, celles des femmes comme celles des hommes. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, une femme avec un sac de chaleur sur le ventre. Son copain fait la cuillère derrière elle. Il spoon puis il tient la bouillotte. Il spoon la bouillotte. Oh, wow, c'est tellement un beau terme. Spoon la bouillotte. Spoon-moi la bouillotte. Ensuite, on voit une femme enlever ses sous-vêtements pour aller, j'imagine, à la plage, dans le bois, quelque chose comme ça. L'autre, la femme... Mais t'as-tu vu la photo? Ouais, non, je suis dessus. Est-ce que t'as porté attention à la photo? Qu'elle coule de l'entrejambe? C'est ça que fallait que je vois, hein? Elle coule pas. Elle coule pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tige, pas une tige, là, mais... Ah, c'est le cordon! De... Oui! Ah, OK, j'avoue, je pensais que c'était vraiment du petit jus. Je crois que... les photos sont plus rapprochées pour toi, peut-être, mais moi, ils sont loin. Je les vois pas. Ça, c'est du petit jus. Du petit jus. Parle de petit jus. L'autre, c'est le couple fait son lit et il y a une tache de sang rouge sur le drap. Et la dernière, la femme est dans son bain en train de regarder dehors. Et évidemment, il y a du petit rouge dans la baignoire. Voilà, donc no shame. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir ses règles. Il y a honte d'avoir parlé de petit jus, par contre. On reste c'est juste tes yeux, Mathieu, qui ont fait défaut. La version zoomée était plus bas. Moi, j'étais sur la version pas zoomée. Ah, okay, c'est ça. Bon. On reste chez les femmes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. YWCA Canada lance une campagne dans le but de sensibiliser les Canadiens au blâme porté contre les victimes d'agressions sexuelles. Signée Juniper Park et TBWA, la campagne repose sur le fait que seulement 3 agressions sur 1000 mènent à une condamnation formelle au Canada. Donc le YWCA, qui est le Young Women's Christian Association, souhaite changer cet état des choses, notamment en dénonçant la tendance à blâmer blâmer les victimes, le victim blaming, victim shaming. Donc, un message d'intérêt public présente une femme qui porte le poids de son agresseur, mais aussi des personnes qui prétendent qu'elle en est, qu'elle est en partie responsable de son agression. Donc, on va regarder la vidéo à la fin. Message donc d'intérêt public, un défilé de mode aussi et un magasin éphémère sont déployés, nommé Blâmé. Cette initiative présente une collection provocante pour celles qui veulent adopter un mode de vie questionnable. Sur les étiquettes de vêtements, on pourra lire des citations tirées de cas juridiques, des réseaux sociaux et des médias blâmant les victimes d'agressions sexuelles. Après l'événement, Blâmé sera transformé en hashtag Never Blame the Victim, une campagne sociale. L'offre, l'offensive qui dure jusqu'au 6 décembre, qui est la journée canadienne pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, regardons tous ensemble en vidéo description cette publicité. C'est sûr qu'ils sont acrobates. Oui, ben, parce qu'ils transportent beaucoup de poids. Hein? Hein? Donc, on voit une femme qui marche dans un entrepôt, là, on dirait. Un homme qui arrive en habit devant elle. Quand une femme est violée, elle emporte le poids pour le reste de sa vie. Le gars monte sur ses épaules, du côté gauche de son épaule, en la regardant. Quand vous dites, c'est pas un viol, ça, t'étais saoul, puis t'as couru après. Une femme elle qui arrive. Elle emporte le poids pour le reste de sa vie. En talon haut. Elle va probablement grimper sur l'épaule droite, je dégage. Oh, elle monte par les pieds du gars. Comme cool. Un autre gars arrive. Et quand vous dites, avoue que ça te tentait toi aussi. Elle emporte le poids pour le reste de sa vie. Des commentaires qu'on entend assez fréquemment dans les médias et sur Internet surtout. Donc la fille comment le blâme est un fardeau qu'aucune victime de viol ne devrait porter. Et là ça dit blâmer avec un X rouge qui se trace dessus. Hashtag ne blâmez pas la victime. Très bonne idée. Ensuite, on continue chez les femmes. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je t'ai fait un petit bloc féminin aujourd'hui par inadvertance. Ah, merci, merci. On parle de désodorisant maintenant pour toutes les femmes sans exception. Secret, qui est une marque de la compagnie Procter & Gamble, lance Stress Test, une pub présentant une transsexuelle pour qui chaque visite dans les toilettes publiques représente un défi. Le message de 30 secondes. Lapsus. Hein. 30 secondes. Léger lapsus. Mais très drôle, lapsus, on va se dire. C'était bien placé. Le message de 30 secondes a été réalisé par Whedon and Kennedy. Son protagoniste, Dana, est une transsexuelle qui doit prendre son courage à deux mains pour se montrer dans une toilette pour femmes et prouver qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'en être une. Cette exécution suit des pubs sur le stress vécu par les femmes présentées en avril dernier. Vous pouvez aller voir les deux pubs. Il y en a une qui s'appelle Three Dots et l'autre qui s'appelle Raise sur assemblagerequis.com. Ensuite, continuons avec un poster dans une salle de bain des femmes, dans un bar, qui essaie de combattre aussi l'agression sexuelle avec le hashtag No More. Ça date d'il y a quelques semaines, mais je le trouvais vraiment bien, celle-là. C'est un conseil de ville en Angleterre qui a trouvé une façon intelligente et discrète pour combattre la violence sexuelle et l'abus. Mmh. Donc, la photo, j'ai déjà vu cette affiche-là quelque part, tu sais, comme dans une toilette. Ah, pour vrai? Oui. Ah, génial, tant mieux, donc au Québec. Je crois que c'était à Toronto, par contre. OK, ça aurait pu être à Las Vegas, sinon à Toronto, Canada. Oui. Donc, une photo postée sur Twitter et retweetée presque 30 000 fois en date de l'article qui date encore un petit peu. Donc, montre un poster, une affiche dans une salle de bain des femmes dans un bar de Lincolnshire qui conseille n'importe qui se sent pas en sécurité lors de rendez-vous, hein, de demander au bar la personne Angela, qui est un nom de code qui alerte l'équipe du fait que quelqu'un a besoin d'aide. Le texte dit donc, êtes-vous sur une date qui fonctionne pas? Est-ce que votre Tinder ou Plenty of Fish n'est pas exactement ce qu'il devait être sur son profil? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être dans une situation sécuritaire? Est-ce que tout ça est bizarre? Va au bar et demande Angela. L'équipe du bar va savoir que tu as besoin d'aide pour sortir de cette situation-là. Va t'appeler un taxi ou va venir t'aider de façon discrète sans créer une scène. Voilà. Donc, une très, très bonne idée, encore une fois. Hayley Child, qui est une coordinatrice à la stratégie contre l'abus et la violence sexuelle et la mauvaise utilisation de substances. OK. Substance Misuse and Sexual Violence and Abuse Strategy Coordinator. Tout un titre. Pour le Lincolnshire County Council, dit au Independent que les posters Ask for Angela font partie de la campagne Hashtag No More qui essaie de promouvoir un changement de culture par rapport à la violence sexuelle et à l'abus. Le seul problème, nous dit l'article de Adweek.com, est que le hashtag de Hashtag No More est perdu à travers plein d'autres No More sur les réseaux sociaux. Donc ça se dilue un petit peu. Il aurait fallu trouver quelque chose d'un petit peu plus moins générique que No More. Voilà. Ensuite, The North Face, compagnie de vêtements divers, oui. North Face, oui. Qui surprend les magasineux dans un centre d'achat avec un manteau gratuit, mais il faut absolument qu'il fasse du zipline pour réussir à l'avoir. Donc, The North Face aime faire des cascades publicitaires en Corée, où on donne, finalement, une fois de temps en temps, des articles surprises à des gens dans les magasins, et on filme des vidéos qui deviennent, des fois, virales. Donc, la plus populaire était en 2014, où la marque avait créé une boutique pop-up, dont le plancher disparaissait, je me rappelle d'en avoir parlé à l'émission. Ça surprenait les gens, et ils devaient faire des activités physiques pour grimper sur les murs. C'était vraiment cool. Une autre cascade, c'était une expérience de réalité virtuelle, qui était beaucoup plus réelle qu'on le pensait. Et maintenant, ben, y a une autre boutique pop-up, et les employés du magasin offrent aux gens un manteau gratuit, mais la trappe, c'est que les côtés du magasin s'ouvrent et les gens se font dire qu'ils doivent zipliner pendant 200 mètres à travers une série de pancartes de papier pour ramasser de genre de papier mince. C'est comme pas une vraie boutique? C'est pas une vraie boutique, dans le fond. C'est les murs s'ouvrent et on voit qu'on est dans la nature, finalement. Donc, une formule qui mérite d'être regardée un peu. Donc là, on montre évidemment des extraits des années passées. On va revenir dans le présent un petit peu ici. Donc là, ils sont en train de magasiner des manteaux. Et l'employé dit, hey, crime. Tu peux l'avoir gratuitement, j'imagine. J'ai aucune idée. C'est même pas sous-titré en anglais ou en français. Et on va avancer encore un petit peu. Blink. Et là, les portes de garage s'ouvrent sur les côtés. Et Get McMurdo, donc attrapez votre McMurdo. Et là, le zipline passe à travers des pancartes de papier, comme je dis, parce que tu viens rompre le papier quand tu passes au travers. Il y a plein de filles qui sont comme non. Puis il y a un gars qui est comme ouais. Ah, les gars, hein, virils, tellement genre, moi je suis hot là. Moi je le ferais, toi. Ben oui. Il n'y a rien de dangereux là, tu vois, tu t'attaches complètement, il n'y a absolument rien là. Même que s'il y a de quoi, ça doit être genre une expérience vraiment excitante que tu vas vouloir répéter après. Vraiment. Même pas pour un manteau gratuit. C'est le genre de choses qui je trouve, est pas mal moins épeurant que des trucs comme du deltaplane ou parachute, ouais. Des trucs comme ça où tu tombes de vraiment loin dans les airs. Donc, en tout cas, on les voit, ils sont stressés, et là, ça avance et ils passent à travers des feuilles de papier avec le nombre de mètres restants. Tout ça pour rendre ça le plus excitant possible. On passe à travers des cibles. Il y a comme plein de monde sur le pont qui ouais. Regarde. Tout avec un petit beat EDM derrière pour être encore plus excitant. Et ils arrivent sur leur cible à la fin. Et voilà, ils se font accueillir par une toune pop vraiment merdique et des employés de la compagnie qui s'est organisée avec ça. Bref, c'est cool. The North Face, ça s'appelle Extreme Shopping. Vous pouvez aller voir les anciennes publicités des années passées sur assemblagerequis.com, bien sûr. Allons-y maintenant avec une série de réponses pour la Société canadienne du syndrome de Down. On change complètement de sujet, mais complètement. Mm-hmm. La Société canadienne du syndrome de Down, la CDSS, dévoilait Down Syndrome Answers, une campagne anglophone signée FCB Canada et qui consiste en des vidéos où des gens atteints du syndrome de Down répondent à des questions fréquemment posées sur le sujet. Lorsque les parents apprennent que leur enfant est atteint du syndrome de Down, qu'on appelle aussi des fois trisomie 21, les interrogations se multiplient quant à savoir tout ce que cette annonce implique pour eux comme pour leur enfant. La plupart du temps, ils se tournent vers Google pour trouver des réponses à leurs questions. Cette campagne donc vise justement à leur procurer ces réponses à l'aide de courtes vidéos dans lesquelles les gens atteints du syndrome répondent aux questions les plus fréquemment posées parce que, et je cite, « personne n'est plus en mesure d'y répondre que les gens qui vivent eux-mêmes avec le syndrome de Down ». Ainsi, les vidéos produites toutes titrées d'une question apparaîtront dans les résultats de recherche Google au Canada afin d'offrir des réponses honnêtes et pleines d'expériences tangibles à ces questionnements souvent difficiles pour les parents. On comprend le principe, pas besoin de regarder les extraits. Par exemple, les questions sont « Qu'est-ce que le syndrome de Down? Est-ce qu'une personne avec le syndrome de Down peut apprendre à lire? Est-ce qu'une personne atteinte du syndrome de Down peut faire du vélo? » Des trucs comme ça, des choses simples, et c'est les enfants qui y répondent. Allons-y avec ce que je fais avec une dernière. Je me demande si elle est assez bonne, celle-là. Oh, ouais. Quartier signe pour Aliments du Québec, une campagne axée sur un repositionnement de la marque personnifiant des produits chacun à leur manière. L'offensive vise à démontrer les bonnes raisons de consommer des produits locaux d'Aliments du Québec et aliments préparés au Québec. Également, les marques ont été mises au cœur des visuels afin de contribuer à un meilleur repérage en épicerie. À la première phase de la campagne est déployée en affichage extérieur comme les abribus et les panneaux numériques à Montréal et à Québec, ainsi que dans plusieurs magazines. Elle se poursuivra jusqu'en février dernier et ensuite un deuxième volet est prévu ultérieurement pour atteindre les consommateurs dans leur quotidien. Donc, on voit par exemple un pain, tout ce qui est plus générique, là, c'est pas un pain d'une vraie marque qu'on connaît, là, mais c'est marqué pain, et c'est marqué Aliments Québec, et le pain est en train de dépasser Le ruban d'une course. Le ruban d'une course, mais il aurait pu mettre d'autres pains. Non! Genre bread. Ouais, c'est ça. Ou je suis un pain français. Apparemment, non. Apparemment, non. Et les aliments d'ici sont remarquables. Ça dit, donc, c'est un yogourt qui gagne un diplôme. On dirait sort d'une université, quelque chose comme ça. Et l'autre gagne un concours de beauté. Un concours de Miss quelque chose. Miss c'est pomme de terre. C'est un sac de patates. C'est ça, un sac de pitates. C'est des pitates. Des pitates. Des pitates. C'est tout. Pour une grosse... voyons. C'est quoi cette chronique? Le bloc pub, Mathieu. Le bloc pubesque. Donc, le bloc pub, les liens sont sur rassemblagerequis.pubesque. Le bloc pubère. Oui. Oui. Nouveau bloc dans l'émission. Oui, c'est ça. Je sais pas ça va faire quoi, ce bloc-là. Mais bon. Donc, le bloc pub, rassemblagerequis.com. Voilà pour les liens. Au retour, c'est Tania qui nous divertit pour la prochaine demi-heure. Avec Tania is gonna entertain ya. Oui. Restez là. Oui. Ça t'a marqué, je pense. Juste un peu. Déjà de retour à Assemblage Requis en ce mardi 29 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Mm-hmm. Et maintenant, Tania, tu l'as dit, ton nom, c'est Tania Baudin. Oui, en effet. Puis ton nom, c'est bien de pouvoir faire des jeux de mots avec, comme dans Tania is gonna enter Tania. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-ta-ta-ta. Salut Tania. Ta-ta-ta-ta. Bon matin. Ça va? Très bien. Génial. De quoi tu nous parles donc aujourd'hui? Je vais vous parler de séries télévisées, mais aussi de films. Donc, j'ai 3 séries télévisées pour vous et 1 film. Vous allez voir, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas parlé de séries ou que j'ai pas parlé de films. T'as regardé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé? T'as eu le temps? Pas tant. Non. Pas tant, mais vous allez comprendre, en fait, parce que je vais vous parler de des nouvelles séries qui viennent de sortir que j'ai pas encore eu le temps encore de... visionner. Exactement. Oui. Ou de patauger dedans. Ah. De voir si les critiques sont exactement ce qu'elles disent qu'elles sont selon mes goûts à moi. Si ça c'est va durer que... plus qu'une saison. Ah, exactement. Ouais. Je crois que pour certaines, vous allez pouvoir vous donner votre propre opinion par rapport à ça. Mais le premier sujet dont je veux parler, c'est un film. Et ça va être le seul film dont je vais parler aujourd'hui. C'est le film Nerve. C'est un film que j'ai visionné cette fin de semaine. C'est avec Emma Roberts et Dave Franco. Je sais pas si tu connais le film, Mathieu, non. Mais pour vous donner un petit indice, en fait, le synopsis, c'est que Nerve est un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis qui sont filmés par les participants, mais qui sont filmés aussi par les gens autour de ces fameux participants-là. Et on retrouve V, qui est jouée par Emma Roberts, et Yann, qui est jouée par Dave Franco, qui vont décider de s'associer ensemble pour relever des challenges de plus en plus risqués, mais toujours en gagnant de l'argent. Parce que le jeu, bien évidemment, fait gagner de l'argent, sinon personne participerait. Et de la façon que c'est financé par les gens qui vont être simplement des regardeurs. Des regardeurs, c'est-à-dire... Des spectateurs, exactement, oui. C'est parce qu'en anglais, on les appelle les watchers. J'ai écouté, bien évidemment, le film en anglais. Oui. Et personne en fait, qui devrait se respecter. C'est ça. On demande un abonnement pour 24 heures à ces fameux spectateurs-là, et c'est bien évidemment ce qui sert à donner de l'argent, à virer des montants d'argent dans les comptes en banque de ceux qui participent. Nerve, c'est un jeu qui se retrouve simplement au cœur de New York. Il y en a différents dans différentes villes dans le film. Dans le film, on peut se rendre compte que l'année d'avant, c'était à Seattle. Cette année, c'est à New York. Donc, tu peux pas nécessairement jouer avec quelqu'un qui va être, par exemple, en Californie et toi être à New York. Faut vraiment que ça soit dans la même ville. C'est un style de... J'ai quasiment le goût de dire trailer... presque pop. Pop pour le côté populaire de la chose, parce qu'il faut pas s'attendre à, par exemple, un trailer intellectuel. C'est rien d'extravagant. Par contre, ça va vous garder en haleine vraiment tout le long du film, parce que vous allez voir justement que les défis commencent par, tu sais, n'importe quel défi. C'est basé en fait sur Vérité ou Conséquence, ça, c'est du game, puis ce genre de jeu-là. Donc, ça va commencer bien évidemment avec une espèce de conséquences ou de vérité conséquences que tout le monde ferait, mais avec un montant d'argent en lien. Donc, par exemple, je sais pas moi, es-tu capable de péter en public pour 250$, tu sais? Donc, c'est le premier défi est basé aussi banalement comme ça, mais on va commencer à monter en grade de danger et en grade aussi de ce qui pourrait être totalement stupide dans les défis. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça nous garde en haleine, parce qu'à un certain moment, on se rend compte que les personnes qui contrôlent ce fameux jeu sont introuvables, mais ils savent exactement toutes les informations sur les personnes qui participent. Comment est-ce qu'ils y arrivent? C'est grâce, en fait, aux réseaux sociaux des personnes qui s'inscrivent comme joueurs. Lorsque tu décides de t'inscrire à ce fameux jeu-là, c'est linké directement soit avec ton compte Facebook, ton compte Twitter, ton compte Instagram. Tous les réseaux sociaux sont linkés à cette application-là, ce qui fait qu'on a un numéro de carte de crédit, bien souvent. On a, par exemple, nos pères, on a, par exemple, ce qu'on préfère, les gens de notre famille. Tu sais, sur Facebook, on peut avoir cette option-là de voir qui sont nos frères, nos sœurs, nos mères, blablabla. Donc, c'est quelque chose que les créateurs de l'application utilisent pour justement faire des défis qui sont de plus en plus dangereux. C'est le fun comme film, parce que justement, ça te montre à quel point tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux peuvent, à un certain point, revenir contre toi. C'est un petit peu inquiétant, mais ça démontre aussi très, très bien comment certaines personnes sont rendues accro aux j'aime et au voyeurisme qu'offre Internet et qu'offrent les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Ceux qui sont les watchers, bien souvent, vont être portés justement aussi à devoir voter pour le joueur qu'ils préfèrent. Et c'est vraiment purement du voyeurisme, mais ils payent. Donc, à un certain point, ils disent « Bah, j'ai le droit ». Et c'est souvent eux aussi qui vont donner les défis aux gens qui vont participer. Si jamais vous écoutez le film, vous allez voir, vous allez tout comprendre ce que je viens de dire, mais c'est vraiment aussi de comprendre cette espèce de cyber-hackage là, et de cyber-black black internet aussi qu'on peut pas nécessairement connaître, mais qui existe assurément. Et si vous êtes un petit peu... je vais pas dire un petit peu freak, mais si vous êtes comme moi et vous aimez beaucoup vérifier les sources ou vérifier si quelque chose se peut, j'ai tout simplement marqué Nerve sur Google et je suis arrivée sur le site internet de Nerve où justement ils te demandent si tu veux être un joueur. Ils te montrent ce qu'ils savent de toi? Ou un spectateur. Ouais. Non, ils te montrent pas nécessairement ce qu'ils savent de toi. Ça aurait été beaucoup trop fréquent. Ben je pense que j'aurais capoté un petit peu trop. Mais on t'offre d'être en fait soit un spectateur ou soit un joueur. Et lorsque tu cliques sur le joueur, tu peux, en théorie, pouvoir aller télécharger une application où tu vas devoir prendre des photos. Mm-hmm. Des photos qui sont jamais trop dangereuses, là, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez aller faire un tour sur le site internet de Nerve et voir comment est-ce que ça fonctionne. Si vous cliquez, par exemple, sur « Télécharger l'application », vous allez vous rendre dans un endroit où ça dit « Veux-tu vraiment faire ça? » T'es-tu sûr que tu veux faire ça? Donc, c'est vraiment tout le temps basé sur, bien évidemment, la publicité pour le film. Il n'y a pas personne qui va arriver à jouer à quoi que ce soit aussi dangereusement que dans le film. Et t'auras pas d'argent non plus. Je suis désolée. Mais c'est à se demander, est-ce que quelque chose comme ça pourrait vraiment arriver à un certain moment? Ça me surprend que ça n'existe pas déjà. Ben, moi aussi. Puis quand j'ai vu que en fait, ils offraient une application, l'application est totalement banale. Là. C'est vraiment juste pour la publicité du film. Sauf que je me suis dit, mon Dieu, ça pourrait tellement... Ça marcherait, là. Oui, c'est sûr. Si on peut faire karaoké extrême puis lip-sync battle, on peut bien faire Nerve. Là. C'est clair. Hein? C'est clair. Ouais. Mais je vous invite à aller regarder un film. Le film, en fait, moi, j'ai trouvé ça quand même bon. Les critiques sont mitigées aussi. Il y en a beaucoup qui aiment vraiment beaucoup ça pour les mêmes points dont je viens de parler. Il y en a qui aiment moins ça parce qu'ils croyaient que ça allait être un trailer beaucoup plus psychologique, beaucoup plus intellectuel. Ouais. Mais non, j'ai en fait beaucoup aimé le fait que ça soit justement rien de trop, trop extravagant. C'est sûr que c'est un film style adolescent, mais ouais. Par exemple, je l'ai écouté avec ma mère, puis là, ma mère, après, elle s'est mise à me poser des questions sur mes réseaux sociaux, tu sais. Ah oui? Tu sais, comme... Elle s'est donné des défis? Non, mais tu sais, là, t'es sûr que les gens sur tes réseaux sociaux savent pas trop d'affaires? Donc, ce genre de questionnement-là, tu l'as par la suite, après avoir écouté ce film-là, puis tu te poses la question, j'ai-tu linké des numéros de carte de crédit quelque part? Désactivons toutes nos choses pour être bien certain. Mais c'est dommage que ce soit pas un thriller psychologique, parce que j'aurais aimé encore plus ça. C'est peut-être le genre de film qui a vraiment pas coûté cher et qui va faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais pas s'il a pas coûté cher. Je sais que... Il y a des effets spéciaux? Quand même, oui. Okay. Je sais, j'ai vu une entrevue récemment avec Dave Franco qui joue un des rôles principaux, qui disait justement que ça a été filmé sur Times Square à un certain moment. Et c'est vraiment lui qui fait la cascade. Il dit, je voulais capoter, là, je voulais même plus le faire à la fin. Il dit, moi, être aveuglé comme ça et conduire sur une moto, non merci. Ah. Ouais, donc... c'est tellement le goût des cascades qu'il y a là-dedans. Exactement, vous allez voir, c'est quand même le fun. Et il y a trois règles au jeu. En fait, la première règle, le défi doit absolument être filmé sur le téléphone du joueur. Okay. Donc, le joueur doit absolument lui-même filmer ou être filmé avec son propre téléphone par quelqu'un d'autre. Vous échouez si vous refusez le défi ou si vous n'arrivez pas à accomplir le défi en X temps, parce qu'il y a toujours du temps. Et ne jamais dénoncer le jeu. OK. Ouais. Ah, ben... Ce sont les trois règles du jeu et je vous laisse faire votre propre idée par rapport à ce film-là, si jamais vous l'écoutez. Intéressant. La deuxième. En fait, la prochaine partie de ma chronique, c'est les séries télévisées. Ouais. C'est le seul film dont je voulais parler. C'est le seul film que j'ai visionné récemment. Et j'ai trouvé ça assez bon. Mais les prochaines séries télévisées dont je vais vous parler, je les ai pas regardées, mais pas du tout. C'est des avant-goûts. C'est des téléséries dont j'ai entendu parler et la plupart sont canadiennes. Donc, vous allez voir. La première, c'est Frontier, qui est frontière en français. C'est bel et bien canadien. Oui, c'est bel et bien canadien, mais aussi en collaboration avec certaines personnes qui ont travaillé sur Game of Thrones. Ouais. On retrouve... Jason Momoa. Oui, exactement, entre autres Jason Momoa. Mais on retrouve aussi l'équipe de production de Game of Thrones qui a travaillé avec eux. Donc, le synopsis, en fait, c'est une série d'actions et d'aventures qui va suivre la lutte quand même assez violente et très, très chaotique. Pour la prise de pouvoir et le contrôle de richesses dans l'Amérique du Nord. Donc, ça se passe chez nous, là, tu sais, c'est le fun, à la fin du 18e siècle, et c'est raconté sous différentes perspectives. C'est là que moi, je me demande si je vais aimer ou si je vais pas aimer. Donc, c'est raconté sous différentes perspectives et la série va se dérouler dans un monde où, justement, les négociations commerciales peuvent se solder par soit un coup de hache ou les relations sensibles entre les tribus d'Indiens d'Amérique et les Européens qui peuvent transformer tout ça en bain de sang. Donc, c'est vraiment comme une espèce de... En fait, c'est la conquête, voilà. C'est la conquête de chez nous. Ça se passe ici au Canada, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est basé sur notre propre histoire et c'est ça qui m'allume justement, c'est ça qui veut me le faire écouter. Mais le fait que c'est raconté sous différentes perspectives, si on change tout le temps de personnage, moi personnellement, je sais que j'apprécierais peut-être pas ça. Autant que si c'était raconté simplement par une personne. Présentement, il y a 6 épisodes qui sont répartis sur 2 saisons. Ouf! Ouais, c'est une série, comme tu l'as dit, canadienne, donc avec un plus petit budget que les Américains. C'est par Discovery Channel Canada. Mm-hmm. Donc, le budget est peut-être pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Et ça pourrait très bien mener vers quelque chose de plus gros après. Mais on parle d'un format qui n'est pas nécessairement sur 40 minutes. Ouais. C'est plutôt 60 minutes. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est quelque chose qui est possible pour certaines chaînes de pouvoir le faire. Je trouve ça cool parce que ça donne beaucoup plus de jus et d'informations. Et c'est souvent plus fun à regarder aussi. C'est toujours en production. On n'a pas terminé pour tout ça. La nationalité, il faut le dire, c'est canadien, mais il y a aussi beaucoup d'Américains qui travaille dessus. Ouais. Donc, j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir cette espèce de mixture-là des deux cultures dedans, mais aussi des différentes productions et des différentes équipes de production qui vont avoir travaillé à cette équipe-là. Et je disais, j'ai parlé au Mathieu Planchot il y a quelques semaines que ça avait déjà été renouvelé pour une deuxième saison. Oui. Donc, bonne nouvelle pour ça. La saison 2 va débuter aux alentours de janvier sur Netflix et aussi sur la chaîne. Génial. Discovery Canada. Et voilà. La deuxième série dont je vais vous parler, j'ai regardé le trailer, j'ai regardé la bande-annonce. Je me suis dit que je devais absolument regarder le premier épisode parce que la bande-annonce me laisse comme indécise sur la série. C'est une série canadienne aussi, c'est Shoot the Messenger, donc tirer le messager ou tirer la messagère, un des deux. C'est, en fait, c'est une jeune journaliste qui est pleine d'ambition, qui est témoin d'un meurtre. Et elle va se retrouver impliquée dans le monde dangereux de la criminalité qui s'étend même jusqu'aux grandes entreprises et aux instances politiques. C'est tourné ici au Canada. La production est entièrement canadienne. C'est un drame, il faut savoir. Ça regroupe entre autres Élise Lévesque et Lucas Bryant. Pour ceux qui ne savent pas qui est Élise Lévesque, c'est une actrice canadienne qu'on a vue entre autres dans la série américaine The Originals. Ouais. Elle jouait une des sorcières, donc si jamais ça vous dit quelque chose. C'est le truc de Vampire Diaries. Exactement. Que moi, en passant, j'avais trouvé beaucoup meilleur. Ah oui? Ouais, j'avais préféré The Originals à Vampire Diaries. Moins d'amour à chatte, mais c'est ça. Donc, ça a été créé par Jennifer Holness et Sot Sutherland. Ça vient tout juste de sortir. Il y a 5 épisodes présentement qui sont sortis. Le 6e devrait sortir au courant de la semaine. J'ai lu quelques critiques sur Internet. On dit que c'est pas assez... assez dark. On dit que pour certains que c'est pas assez massacrant, c'est pas assez dégueulasse. Pour le titre Shoot, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui se dessus. Ça. Exactement. Ouais. Ça va beaucoup jouer sur, contrairement à Nerve par exemple, le psychologique. Donc bon, ça va beaucoup jouer là-dessus apparemment. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble pour savoir si ça va continuer. En fait, moi j'ai l'impression que c'est le type de série télé où on pourrait juste voir une saison si on se fie à la bande-annonce, parce que la bande-annonce m'a laissé quand même assez perplexe par rapport aux images qui étaient vues. C'était la bande-annonce officielle. C'est vraiment les prises de vue et aussi une espèce de façon de raconter les choses qui, dans la bande-annonce, m'a peut-être pas nécessairement venu me chercher. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir avec le premier épisode. C'est quelque chose que je vais regarder cette semaine. Ben, ça dépend. Les séries canadiennes, il y a vraiment des extrêmes, un peu comme dans d'autres pays. Là, t'as des émissions qui vont rester en ondes beaucoup trop longtemps pour aucune raison, même si c'est très mauvais. T'as des émissions qui vont être retirées très, très rapidement. T'as des émissions qui vont être... souvent, moi, je trouve la tradition canadienne, à mon expérience, c'est on va leur donner une saison. Ça va pas super bien marcher. Deuxième saison pour leur donner une deuxième chance, mais pour ça, on tire la plaque. Exact. Ouais. J'ai hâte de voir. Parce que c'est aussi beaucoup des acteurs qu'on connaît pas nécessairement. Mmh. Donc, est-ce que ça va être populaire pour les Canadiens qui sont plus du style on veut nos acteurs dans une série que l'on connaît? Mais de l'autre côté, une série canadienne, Orphan Black, qui a un gros succès à l'international, ça pourrait peut-être être comme ça. Oui! Ça pourrait. Faudrait voir. Ouais. Faudrait voir. On parle présentement de 6 à 9 épisodes pour la première saison. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se rendre à une deuxième? On verra. Je sais pas. Ça se passe à Toronto en passant. Ah, cool. Mais ils disent jamais dans la série. D'habitude, quand c'est canadien, non, c'est ils ça, exactement. Pas. Ça se passe à Toronto dans le texte de présentation, mais. Ouais. En tout cas. Ça ressemble à une ville. Oui, exact. Ouais. La prochaine série dont je veux vous parler, elle n'est pas encore sortie. Vous allez pouvoir la regarder à partir de janvier. J'ai vu la première bande-annonce hier. Je l'ai partagée sur mon Facebook personnel. J'irai le partager sur le Facebook d'Assemblage Reiki tout à l'heure. C'est Riverdale. Oh oui, mais ça, c'est américain, c'est ça? C'est américain, exactement. C'est pas canadien. C'est la seule série américaine dont je vous parle aujourd'hui. C'est une série dramatique et thriller, il faut le savoir, basée sur la vie de Archie, Mystère et compagnie. N'importe quoi! Pourquoi tu dis ça? Ça fait vraiment longtemps qu'on a annoncé, qu'on a vu les photos de la distribution. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qui avait pas besoin d'avoir un remake, genre dark, c'est bien Archie, là. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Ben, le gars, il est même pas roux. Oui, il est roux. Ils l'ont teint. Et puis... Il n'était pas capable de trouver un vrai roux. Ben, il est très châtain roux, là, en fait, sur ses photos Google, là, si tu tapes son nom. Là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, moi. En passant, l'acteur est un acteur que personne ne connaît. Il s'appelle KJ Apa. Il y a Cole Sprouse dedans, par exemple. Ah, le gars de, le gars de Zach et Cody? Ouais. Moi aussi, j'ai fait comme... Ah! Il joue qui? Non, si je me souviens bien, il joue son frère. OK. Non, t'as raison, Jughead. Ben oui, pour vrai. Ouais. Eh ben. C'est lui qui va jouer Jughead. Il y a Camila Mendes qui va jouer Veronica. Parce que Archie, Betty et Veronica, hein, vous aurez tous deviné. Et celle qui va jouer Betty, c'est Lily Reinhart, une actrice que je ne connais absolument pas et qui n'est même pas googlable pour le moment. C'est une série de la CW, hein, les classiques Flash, Arrow. Vampire Diaries, Gossip Girls, c'est les producteurs de Gossip Girl et Vampire Diaries en passant. Donc j'ai l'impression que pour ce côté-là, on peut s'attendre à quelque chose qui serait quand même bon. Ouais. Parce que Vampire Diaries a été bon pendant un moment, au bout d'un certain nombre de séries de saisons, tu te tannes. Gossip Girl, ça a été bon aussi. Ça a été la même chose un petit peu. À certains moments, tu décroches, tu rembarques, tu réécoutes toutes les saisons. Mais j'ai hâte de voir avec Riverdale. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, eh bien, c'est la rentrée dans la petite ville de Riverdale. Donc, Riverdale, c'est une ville, vous l'aurez deviné, c'est pas quelqu'un. Et on se remet doucement de la mort tragique d'un jeune garçon qui est Jason Blossom. Et c'est la rentrée pour un nouveau départ pour Archie Andrews. Archie est l'homme roux qu'on connaît tous, qui s'est décidé à faire carrière dans la musique, malgré la fin de sa relation secrète avec sa professeure de musique, qui lui servait de mentor et la fragilité aussi de son ami avec son meilleur ami Jughead. Donc, ça va pas super bien entre les deux BFF. Et de son côté, attention, Betty. Tu sais, Betty et Veronica, tu vas voir à quel point c'est un petit peu dark et gore comme série. Elle est secrètement amoureuse d'Archie. Elle doit faire face à sa mère surprotectrice qui la drogue aux médicaments. Mais tout va commencer à changer pour elle quand elle va faire la connaissance de Veronica Lodge, une nouvelle et riche élève qui arrive en ville à la suite d'un scandale ayant touché de près sa famille. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie de nombreuses histoires et secrets qui peuplent Riverdale, c'est-à-dire une ville calme, à l'image parfaite, mais qui cache dans l'ombre de nombreux dangers une face très, très sombre. Wow! Ça reste intéressant. C'est vraiment une idée saugrenue qui vient d'absolument nulle part, mais c'est quand même intéressant. Ça c'est basé, en fait, sur les personnages de Archie. Zéro les histoires. Il faut savoir. Zéro les histoires, mais je ne sais pas si tu te souviens des émissions en dessin animé qu'il y avait, qui étaient Archie, Mystère et compagnie, où on essayait justement de résoudre des crimes à la Scooby-Doo un petit peu. Si vous regardez la bande-annonce, vous allez retrouver cette espèce de petit aspect Archie, Mystère et compagnie-là, mais vraiment plus dark. Fait que moi, c'est ça qui m'allume, c'est le fait que ça pourrait être vraiment plein de sang partout à un moment donné. J'avoue que ça m'attire aussi. Ça m'attire depuis qu'on l'a mentionné, mais je trouve quand même que l'idée vient de nulle part. Mais c'est le fun, des fois, des idées de même. L'idée vient de nulle part, mais c'est cool parce que tu te serais pas attendu justement jamais à ce qu'on fasse un remake d'Archie. Puis je pense que c'est pour ça que ça pourrait pogner. Ouais. Parce qu'il y a comme une fougue autour des roues sexy. Là. Puis, hey, tout un sex symbol. Il est pas si pire que ça. Mais non. T'as-tu vu la bande-annonce? Non. Je vais la regarder. Des abdos comme ça. je vais regarder ça. Mais non, la CW, ils ont ramené Sex à New York. Ils ont fait The Carrie Diaries, qui n'a pas duré longtemps. Ils ont ramené 90210, Beverly Hills, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont ramené Place Melrose, ça n'a pas duré longtemps. Et tu sais, ils ramènent plein de choses, CW. Oui, mais si tu veux, j'ai une anecdote pour toi. En fait, l'idée de tout ça a commencé en 2014. Okay. Et c'était le réseau Fox qui avait à l'époque annoncé le développement justement avec Greg Berlanti d'une série qui adapterait les personnages de l'édition Archie Comics, mais finalement la chaîne a décidé de pas commander de pilote, de rien faire, et le projet a été annulé. En 2015, c'est le réseau CW qui diffuse déjà plusieurs séries de Greg Berlanti, entre autres Vampire Diaries, Gossip Girl et tout ça, qui a décidé de relancer le projet et de lui commander un pilote. Il a été aussi annoncé à ce moment-là que le directeur créatif de Archie Comics, donc le directeur de celui qui avait déjà créé les personnages, allait se joindre à Greg Berlanti pour développer le projet et écrire le pilote. Donc, on a eu une association entre les deux équipes. J'ai vraiment hâte de voir ça, moi. Ouais, moi aussi, maintenant que tu m'en parles, ça a l'air vraiment cool. CW, ils n'ont pas beaucoup de cases horaires comparé à d'autres réseaux. Non, les autres réseaux ont comme 8h, 9h et 10h qu'ils peuvent remplir, donc ils ont 3 heures par soir. CW, c'est juste 2 heures par soir, donc ils sont concentrés dans leur nombre de séries. Donc j'ai hâte de voir. Il faut vraiment que tu te démarques plus pour pouvoir durer plusieurs saisons, parce qu'ils ont moins de place dans leur grille. Oui, bref, ça se dit comme... Mais j'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont compter le nombre de personnes qui vont l'écouter sur Internet. Oui, probablement de nos jours. Oui, j'espère beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il t'en restait une? Non, c'est tout. Rappelle-nous la liste au complet, s'il te plaît. Bien, certainement. Donc, le film, c'était Nerve, le film qui parle d'une application qui vous suggère des défis pour faire de l'argent. Par la suite, les séries, c'est Frontier, donc c'est la conquête de l'Amérique du Nord. Shoot the Messenger, qui est canadien aussi, qui parle d'une journaliste qui est prise après avoir vu un meurtre se produire devant elle. Et à venir, eh bien, c'est Riverdale, qui est basé sur les personnages d'Archie. Génial, merci Tania. Ça fait plaisir. Ça va être super bon ce Riverdale. Oh, maintenant que t'en parles. À vous, hein, là, ouais. Je t'ai titillé, Mathieu. Ouais. Tu veux absolument écouter ça? Ouais. Eh bien, ça sera en janvier 2017. Oh, c'est bientôt en plus. Oh oui. Oh boy. On écoute une petite pièce musicale avant de passer à notre prochain segment. Donc, écoutons une nouvelle pièce de Elephant Stone sur le palmarès anglophone, sur l'album Ship of Fools. Voici See the Light. Assemblage requis. Sur Cifu 89 FM. So hard. C'était Elephant Stone avec la pièce See the Light. Assemblage Rocky, c'est une nouvelle entrée en position numéro 19. Vous pouvez entendre les palmarès C'est fou cet après-midi entre 14h et 17h. C'est avec Tania et moi. Ah ouais? Ben ouais. Au retour. Aujourd'hui, c'est tantôt. Au retour, David Ferron et la chronique et la carte bleachée. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Information, c'est CFOU.ca 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Écoutez Assemblage requis en ce mardi 29 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Maintenant, on a David Ferron qui vient d'arriver en studio. Salut, David. Salut, vous deux. Je m'excuse. Je suis pas roux. Est-ce que c'est correct quand même? Non, mais t'as comme les mêmes cheveux, par exemple. C'est la coiffure, plus la que... La coiffure, ouais. T'as comme la coiffure d'Archie. Est-ce que c'est un compliment? Ben oui. Oh, merci. Bon, Caroline, que c'est beau tout ça. Là, tout le monde s'aime. Oui. Génial. Donc, David Ferron qui est là pour sa chronique, la carte bleachée. David Ferron qui doit se retenir tout le temps pour pas parler par-dessus son intro. Il y a tellement de choses à dire. Mais là, t'as d'autres parler. Là, il parle plus, tu sais. Il parle plus, c'est ça. Salut, David. Il fait des bonjours. La chronique va être longue. Oui, c'est ça. Donc, la carte bleachée, c'est la chronique dans laquelle tu nous parles de musique, tu nous parles de découvertes que tu as fait pendant les dernières semaines. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait cette chronique-là, donc au moins 2-3 semaines, 1 mois environ. Tu peux parler maintenant. Maintenant, parle, David, sinon on ne saura pas comment remplir le temps. Ben oui, il faudrait interpréter mes mimes. Ouais, ben à la radio. Ouais, mais là, tu sais, hein, caméra 3 est là pour ça. Donc, c'est ça, toi, parle. OK. Tu parles de quoi aujourd'hui, David? Ben, musique. Ben oui! Évidemment, voyons! Évidemment, mais pas de la musique du monde, parce que tu réserves ça pour ton émission L'Optrotter, les mercredis soirs à 19h. Oui, exactement. Donc, tu parles d'autres sortes de musique. Oui, là, on va aller dans l'électrophone, qu'on va aller dans de la pop alternative, puis on va aller même faire un voyage dans les années 70. Ouh! Cool! Oui! Donc, la première pièce qu'on va entendre, c'est la pièce Safe and Sound de Justice, un groupe français, donc Justice. Justice! Justice! Oui, donc c'est du disque Woman. Du disque Woman? Oui, le disque s'appelle Woman. Okay. Je pensais que c'était comme un disque Man, mais un disque Woman. Oui, exactement. L'électro CD. C'est pas cool. T'en as deux au lieu d'avoir ça. Oui. Je suis désolée, c'était pas ça. Est très sensible. OK. Pour. On a trouvé le nom de l'émission. Donc, pour revenir à Justice. À Justice ou Justice. Ouais, pense à d'autres choses, oui. Oui. Ça commence mal. Le disque s'appelle Woman. Oui, next. Je suis trop crampé. Il y en a juste un, c'est bon. Je suis trop crampé, excusez. Je suis pas capable. C'est dur, la vie. Donc, le simple Safe and Sound est sorti au milieu de juillet, mais l'album seulement le 18 novembre, donc il y a une semaine. Ah oui, c'est frais. Oui, donc 4 mois entre le single et la sortie de l'album. Et Woman, c'est leur 3e album en 9 ans après Quas, et qui est sorti en 2007, et Audio Video Disco en 2011. Donc, ça fait 5 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Mm-hmm. si on exclut les albums live, les remixes. Oui, oui, ça compte pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Et pour le groupe, le titre est volontairement féministe, le titre de l'album Woman. Et un des membres affirme que les gens, peu importe leur sexe, doivent avoir les chances égales de faire leur place. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est un hommage aux femmes. Et c'est sûr que tout le monde connaît sûrement la pièce Dance. J'ai pas amené un extrait, j'aurais dû, mais bon. C'est la pièce D-E-N-C-E de Justice. Et ça, on a connu ça avec le côté disco, dance. C'est encore disco, c'est encore un peu dance, mais je vous dirais que c'est plus soft dans Woman. Il y a l'orchestre contemporain de Londres qu'on peut entendre. Mais ça, c'est dance. C'est dance, qui ouais. Joue d'ailleurs. On connaît ça. Oui, oh, oui, c'est archi connu. Oui, archi. Oh, Mister et compagnie. J'en ai mon casque. David est fâché, là. Parce que c'est pas un vrai roux. On a parlé de la série Riverdale avec Archie tantôt avec Tania. Ça a marqué David parce que le gars n'est pas un vrai roux. Et voilà. Puis ça paraît trop. Ben oui. Bref, tu parles de Justice? Oui. Pour revenir à Justice, justement, là, on entend, c'est très disco, c'est très funky, c'est encore le cas avec Safe and Sound, mais là, on entend, justement, comme j'ai dit, l'orchestre contemporain de Londres. On entend aussi un vrai violon, c'est vraiment un vrai violon, c'est pas des arrangements synthétisants. Et là, je vous dirais que depuis audio, vidéo, disco, il y a plus de rock aussi dans les arrangements de Justice. Donc, c'est pas juste une copie de Daft Punk. OK, ouais, ouais. Parce que j'avoue que ça m'y faisait penser. Oui, c'est carrément ça. C'est sûr que ce qu'on va entendre là, c'est... Y a c'est une pas belle... mieux. Non, c'est mieux. C'est mieux? Oui. OK. Ce qu'il va jouer tantôt, là, ça, c'est pas le vrai extrait. Okay. Non, non, ça, c'est juste pour que pour vous illustrer. Vous placez un peu. Oui, ouais. Pour que vous placez qui est Justice. Tout le monde sait c'est quoi ce tune-là. Oui. Et là, l'autre tune que je vais vous présenter, c'est Blue Pool de Vanessa Carlton. Et oui, on va faire jouer du Vanessa Carlton assez fou. Est-ce qu'on devrait être offusqué par ça, David? Normalement, quand je dis Vanessa Carlton, oui. Okay. Parce que quand j'étais au secondaire, il y avait comme deux équipes de filles. Il y avait la Team Britney puis la Team Vanessa. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de Vanessa. C'est pas elle là, qui chantait sur un camion là, oui, avec oui. Un piano là. Ah. A Thousand Miles, c'est ça. Ben okay. Ouais. Je sais pas si on peut écouter un extrait, mais c'est A Thousand Miles, Mathieu. A Thousand Miles. Ben oui. Ben oui. Oh, et ça, c'est une toune, je m'excuse de dire ça, une toune de filles. Carrément, là, si tu veux pleurer, t'écoutes ça. Ah ouais. Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est de la chick lit auditive. Ah ouais, si t'es en peine d'amour, tu sors ta crème glacée puis t'écoutes ça. Oh, ouais. Wow. Ça, c'est du Vanessa Carlton. On comprend le genre, hein? Ah, Tania, elle la connaît. Oh. Ben oui. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Une fille ça de... a versé mes peines d'amour de Vanessa. Ah, ouais. Une fille de plus que 22 ans connaît Vanessa Carlton. Ben, c'est sûr. Je m'excuse, là, je caricature. C'est vrai, c'est juste vrai. Oui. OK, c'est approuvé par Tania, j'ai plus rien à dire. Je vous fais confiance. Donc, c'est ça. Sauf que là, à l'inverse de Coldplay, c'est que Vanessa Carlton, ça s'en va toujours en s'améliorant. Ah, ouais? Oui. Là, ce qu'on va entendre, là, on entend Thousand Miles, son plus gros hit qui est sorti en 2000 et qui a été un gros hit, mais avec la chanson Blue Pool. À mon avis, c'est ce que le groupe Coldplay aurait pu faire si le groupe n'avait pas décidé de tomber dans la pop hyper sucrée diabétique. Donc, c'est à cause, je parle surtout de la guitare. La guitare fait penser beaucoup à du Coldplay dans la pièce qu'on va entendre, Blue Pool. Et c'est ça. Là, je disais qu'à Thousand Minds, pour moi, c'est de la chick lit auditif. Là, Blue Pool, c'est vraiment un gros travail d'atmosphère. Il y a de la lourdeur là-dedans, mais il y a aussi une certaine beauté lyrique dans la tune. Mm. C'est très... Avec le piano, parce que c'est une très bonne pianiste, Vanessa Carlton. Mm-hmm. La pièce qu'on entend au piano, ben, c'est elle qui joue au piano. Puis ouais. Dans le vidéoclip, ben, justement, comme t'expliquais, Tania, ben, elle joue au piano. Ben oui. Elle joue peut-être pas vraiment dans le clip, parce ouais. Que... Ouais, bon, on n'ambitionnera pas non plus. Elle est quand même en mouvement sur la route avec un piano ambulant. Ouais, avec un green screen. Oui. Non? Oui? C'est ouais, évident. Je pense que oui. Ah, c'est ouais. Évident. Ah, c'est évident. Donc, dans Blue Pool, là, je vais te traduire librement. Ça a l'air super simple, mais il y a une petite subtilité dans les paroles. C'est que dans les paroles de Blue Pool, ça se dit « Allume ta cigarette, je vois ta célébrité dans tes yeux. Le mur du jardin s'épanouit vite. Si tu pouvais le découvrir, tu verrais que c'est beau. » Oh. Donc, ça explique quelqu'un qui est très superficiel, qui n'est pas capable de voir les beautés de la vie. Ouais. Donc, selon la légende, Vanessa Carlton, qui n'avait pas de contre-disque avant de sortir Lieberman, où se retrouve la pièce Blue Pool, eh bien, elle a décidé d'envoyer les démos de ses chansons à la compagnie de disques Dine Alone Records. Ça, Dine Alone Records, c'est connu notamment pour les Dandy Warhols, City and Color, Marilyn Manson et Rosetta. Ça, c'est la compagnie de disques qui couvre tous ces artistes-là et plein d'autres. Et là, ça a l'air que la compagnie... En fait, Vanessa Carlton a décidé d'envoyer anonymement les maquettes, les démons, et ça a l'air que la compagnie de disques est tombée en amour. Parce qu'avec le nom, ça aurait pu lui nuire un peu. Ouais, mais comment ils l'ont retrouvé, si elle a fait ça de façon anonyme? Ben, elle a peut-être laissé ses coordonnées, mais sans son nom, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, puis là, c'est... Vanessa Carlton. S'appelait Georges. Joanne. Archie. Et Véronica. La petite... Je me rappelle plus, la brune ou la blonde? La brune, c'est Véronica. Ah ouais. Bref, j'aime pas Archie, mais bon. Excusez, nous, on ça a ça. Tellement lu qu'on aime vraiment c'est ça. Ça. Ouais. Je vous respecte malgré tout. Ouais. Donc, ça, c'est Blue Pool de Vanessa Carlton. Et quand vous allez entendre ça, vous allez pas du tout dire « Hey, ça ressemble à Thousand Miles ». Ouais. Donc, ça, c'était la deuxième toune. La troisième toune, c'est « Seven Words » de Wise Blood. C'est... Non, Wise Blood. Excusez-moi. Oui. Et c'est de l'album, excusez-moi, je vais essayer de bien le prononcer. C'est Front Row Seat to Earth. Donc, le banc d'en avant de la Terre. Ouais. Donc, pour voir la Terre. Donc, c'est rangé en avant pour regarder la Terre. Mm-hmm. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est... Et en fait, tout l'album de Front Row, c'est de la pop des années 1970 avec une petite twist d'ambiance un peu space, un petit peu expérimentale. Et là, ça fait penser un petit peu à du Johnny Mitchell et du Carole King, mais avec un petit très psychédélique un petit peu. Okay. Et il y a quelque chose des années très 2010 dans ce qu'on va entendre. On très présent, mais pas trop présent. Ouais, exactement. Très rétro, mais pas kitsch. OK. Donc, c'est vrai. C'est comme... J'allais encore faire une craque sur Archie, mais je vais éviter. Ah, bon. J'allais dire c'est kitsch. C'est tout simplement kitsch, mais bon. OK, bon. Ouais. Mais c'est vraiment, en fait, je dirais, pour l'artiste Wise Blood, c'est vraiment un coup de cœur. Et Wise Blood, en fait, c'est l'Américaine Natalie Mehring. C'est son nom de projet. Donc, c'est pas vraiment un groupe, mais l'artiste Natalie Mehring est dans ses chansons. Il y a toujours l'équilibre entre l'amour et la déception. Donc, c'est toujours l'équilibre entre le beau et le laid. En tout cas, toutes les liaisons contradictoires que vous pouvez faire dans votre tête. Et... Mehring, comment elle voit la vie, c'est qu'en fait, son titre d'album Front Row Seat to Earth, c'est pour évoquer, selon elle, un monde qui ressemble à une pièce de théâtre se déroulant sous nos yeux, mais comme si on était des spectateurs dans une comédie humaine. Alors, c'est ça qu'elle explique dans ses pièces. C'est et là, on va entendre d'abord Safe and Sound de Justice. Tout de suite dans la carte bleachée de David Ferron à Assemblage. Oui. See the sun. Man, it's so nice to see you again. You're that great poo-poo in L.A. And I close my book, move my bag, make some space, 'cause it's time to give that sun a break. So tell me now how these few years have been. What is living to honor the past? And I have been well, I say, through a smile. These feelings, they come and go fast. Cigarettes, see the fame in your eyes. Sing me the new song you sing. The time for you and I was never quite right. It matters, it means everything. 'Cause the garden walls grow quick. Before you know, you're outside of it. And the ivy's coming in. It's so beautiful if you can find it. I want you. am I? Who am I but a stranger took you down? It's starting to burn, and I wanna go home. Only home I've known, lost in the storm. It had to be seven words to set us free. On se croirait à l'homme trotteur. Tu laisses la chanson finir jusqu'à la dernière seconde. Ouais, exactement. Surtout que là, c'était une note d'orgue que je voulais laisser planer. Oui, exactement. Ça me tentait trop un matin d'être planant. Ben oui, t'es drôle, David. Oui. On a entendu quoi, là? On a entendu le titre Seven Words de Wise Blood. Mm-hmm. Avant ça, c'était Vanessa Carlton avec Blue Pool. Mm-hmm. Et la première pièce, c'était Justice avec Safe and Sound. Justice? Yeah. Super, David Ferron, merci beaucoup. On te retrouve à l'émission qui laisse finir les pièces L'Aube Trotter tous les mercredis entre 19h et 20h. Ça, c'est en direct. Ensuite, on repasse ça les jeudis à 16h ainsi que les dimanches à 15h. L'Aube Trotter sur C'est Fou. Merci, David. Ben, merci de m'avoir accueilli. À la semaine prochaine. Bye bye. Avec Zone Campus, mardi à 8h. Le dernier qui sort. Dernier de l'année, de la session. Automne. Voilà. Oui. Dans quelques instants, à Assemblage Rocky, ce sera le retour de Marie-Christine Perra. Yay, célébrons tous les bons moments qu'on va vivre ensemble. Donc, Marie-Christine avec sa chronique d'art visuel gratin et vin gratuit dans environ 2 minutes. Restez. Assemblage Rocky. Toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 29 novembre 2016. C'est Tania Molin. Et Mathieu Plante. Oh oui, elle arrive juste à temps pour profiter de notre courant électrique à l'UQTR pour charger son téléphone. Tu profites de nous autres. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est Marie-Christine Perra que voici. Avec. Non, avant de passer à Marie-Christine. Je m'excuse, Marie-Christine. Je m'excuse. Je l'ai passé à toi. Mais je vais te laisser arriver un peu. Te laisser vaquer pendant qu'on écoute les nouvelles du campus, ça te tente-tu? Ouais, ok, ben. Ok, je vais le mettre bien, bien fort pour que tu l'entendes. Ok, attention! Voici maintenant l'info. Non, c'est pas vrai. Voici maintenant l'info campus, présenté par le journal Zone Campus. Jusqu'au 8 décembre, le Bon Camarade et l'AGE-UQTR organisent une collecte de denrées non périssables. Les denrées seront distribuées aux étudiants et des paniers seront placés partout dans l'université pour ramasser vos dons. Le 2 décembre se tiendra entre 17h et minuit le 58e Téléthon du Noël du Pauvre à la Salle J. Antonio Thompson. Il est quand même déjà possible de contribuer à la cause. Pour donner de l'argent ou devenir bénévole, allez sur le site lenoeldupauvre.com. L'UQTR et les artisans bénévoles de la paix se réunissent pour la grande guignolée des médias. Durant toute la journée du 8 décembre, des bénévoles seront aux différentes entrées du campus. Une autre belle occasion de contribuer à une belle cause. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez écrire à l'adresse courriel lynne.sancartier@commercialuqtr.ca. Jusqu'au 13 décembre ont lieu les inscriptions pour UQTR en spectacle. Il s'agit d'un tremplin extraordinaire pour les étudiants de l'université qui ont un talent pour la scène. Pour s'inscrire, il faut passer par le kiosque K1B situé près de la cafétéria du pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Il est également possible de s'inscrire via la page Facebook d'UQTR en spectacle. L'AGE UQTR ouvre deux postes au sein de son conseil exécutif. Il s'agit des postes de vice-présidence aux finances et développement et celui de vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Les mandats se dérouleront entre le 11 décembre et le 30 avril. Des bourses compensatoires sont offertes. Votre curriculum vitae et une lettre de motivation sont exigées pour le dépôt de candidature. Vous pouvez soumettre la vôtre au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qu'on vient d'entendre était écrit par David Perron, rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, monté par moi. C'est un travail d'équipe, assez fou, on aime ça. On aime gros ça. Travail d'équipe. Oui, ça joue plusieurs fois par jour, en fait, deux fois dans l'assemblage requis, à 6h30 et 8h30, 9h, dépendant. Ensuite, à midi et puis à 18h, donc quatre fois par jour, et nouvelle chronique tous les lundis. Voilà. Tantôt, je l'ai accueilli avec une genre de feinte. Une petite feinte, mais là, c'est pour vrai. C'est Marguerite Perra. Voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, mais Christine qui devrait s'amener des écouteurs juste pour entendre son intro. Elle est bonne, je l'écoute juste ici quand même. C'est la seule raison. Donc, ma Christine, ça fait, je dirais, un mois. Un mois, ben finalement, ouais, je viens une fois par mois. Là, c'est la chronique mensuelle. Ouais, quasiment. Visuel. Quasiment, j'aimerais venir aux deux semaines, mais là, ça devrait être la chronique passée. D'art mensuel. Comme mensuel puis visuel. OK. Ça pourrait aussi ne pas. C'est vrai que c'était Armand. On jugera pas. Ouais, c'est sûr qu'il y avait un Armand, là, je sais pas. Bof. Mais non, c'est ça, je travaillais. Moi, je suis une enseignante, hein, fait que je travaillais. Coudonc. Ben oui, mais ça arrive, hein. J'ai préféré la les marmaille ou à Mathieu Plante et Tania. Coudonc. C'est pas grave, t'avais bête demain. Ça arrive. Faudrait que tu les amènes à un moment donné. Ouais. Toute la gang. Ouais, on les aurait en public. Okay. Ben oui. C'est le fun, on se sentirait comme Ayoupa, genre. Oui. Je me sentirais comme Rémi-Pierre Paquin, je sais pas qui d'autre qui anime là. C'est Rémi-Pierre Paquin qui anime là? Oui. Non, c'est Pierre-François Lejeune. Ouais, c'est ça. J'ai mélangé tellement ces deux-là, sérieux. Ouais, c'est son même genre. Ils se ressemblent un peu. C'est ça. Ouais. Bref, t'avais rien vu la dernière fois aussi, c'est une des raisons pour lesquelles t'avais pu, remettre ça. Ta chronique. C'est vrai. Là, tu t'es arrangé pour voir plein de choses, j'imagine. Hein? Ben, une, mais quand même une avec tellement de choses à l'intérieur. C'est ça je voulais dire. C'est ça, il y avait beaucoup de choses dans l'exposition. Je suis allée au centre d'exposition Raymond Lanier, qui est en haut de la bibliothèque au centre-ville de Trois-Rivières. Il y avait Simon Baudry qui présentait Véhicules et Scalpes. Puis il y avait François-Mathieu Bouchard qui présentait Méandre. Ça, c'était sûr, c'est pas Rémi-Pierre Paquin ou Pierre-François Lejeune? Non, exactement. Ouais, c'est un mélange des deux. Là. Mais non, c'est ça. Simon Baudry qui est un Montréalais, puis ça paraît quand même, c'est très montréalo, urbano, contemporain. Ça veut dire quoi, trash un peu? Non, mais il y a des poils de barbe, puis il y a des panaches. Bon, oui. Mais il les utilise pas que pour décoration, là, mais en tout cas, il y en a quand même. Okay. Puis lui, il s'inscrit, son style aussi, un peu dans, tu sais, dans le style montréalais génération Y, maintenant. Ouais. Mais ça va, là, c'est très bien qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est ça, c'est un Montréalais et ça paraît. Donc, quand on arrive, déjà, il y a un espèce de Jésus, là, ou en tout cas, il y a une icône religieuse, j'ai pas identifié exactement c'était qui, là, je connais pas tant que ça. Puis là, il est entaillé dans le cœur, puis là, il coule comme du sang dans une petite chaudière. Comme sur l'érable. Oui, pareil. Oui. Cool. Puis, mais il est tout petit, en tout cas, c'est presque mignon. Puis à côté, il y a un pot de sirop d'érable en forme de feuille d'érable transparent, là, comme on peut retrouver dans les cabanes à sucre. Ouais. Puis c'est du sirop d'érable et du poil de barbe. OK. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une espèce de... T'as bien un air de dégoût au visage. Ben, tu sais, moi, dans mon sirop d'érable, là, moins il y a de poils, mieux je me sens. Ouais. Ça reste collé aussi. Si, c'est un petit peu tannant. Non. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il est là pour consommation. Ah, mais... OK, c'est bon. Fait que, ça donne déjà le... Il donne un shooter en rentrant. Ouais, au lieu du vin, tu sais. C'est ça. Mais non, c'est ça. Puis ça donne un peu le ton parce que lui, il est vraiment très engagé politiquement puis il est vraiment sur la grosse question identitaire québécoise. Puis il va faire des citations aussi au peuple inuit. Fait que là, tu sais, la religion qui est saignée, qui devient du sirop d'érable puis tout ça, tu sais, c'est... c'est ça. On est beaucoup dans le... Dans les analogies. Les... Oui, exactement. Les dans l'identité québécoise. Exactement. Mmh. Fait qu'il est vraiment très, très axé là-dessus. Puis moi, je trouve que c'est ça qui le démarque finalement du Montréalo urbano contemporain. Mmh. Que, parce que souvent, la génération... Je sais pas, Tania, si t'es dedans, là. Je sais pas. Mais comme c'est à la limite, c'est la mienne. Toi, t'as quel âge, Mathieu? Ah, j'ai pas d'âge. J'ai pas d'âge, je pense. C'est ça, on est dans la même catégorie d'âge. Mais, ouais. Mais en tout cas, c'est comme les 18-34, mettons. Ouais. Moi, j'ai 34. On est là-dedans, on est là-dedans. C'est ça. Mais tu sais, qui sont plus vers la techno, puis qui se foutent un peu du français, puis qui vont... on peut comme... pas t'associer à ça, nous autres. Ouais, non, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est que nous, on est plus vers la fin de cette... C'est ça, moi aussi, exact. Je suis vraiment à sa limite. Puis, tu sais, qui connaissent pas trop l'histoire, puis tout ça, tu sais, il y a une espèce de désintéressement, ouais. C'est ça, exactement. Mais là, lui, il est dans cette génération-là, mais... Pour moi, il a sa fin aussi, là. Mais lui, il est très, très axé sur le Québec puis l'identité puis tout ça. Puis évidemment, c'est un discours qu'on connaît déjà, mais je trouve que c'est tellement rare des artistes qui prennent position que même si c'est encore de ressasser les deux solitudes, mm-hmm. Québec-Canada, tout ça, puis le peuple qui se prend pas en main puis qui subit son destin plutôt que de se le forger, bien, même si c'est un discours déjà entendu, je trouve que bravo, parce que au moins, il essaye de dire de quoi, puis il prend position, chose que les artistes font plus, là. Fait que, donc, c'est ça, cette exposition-là tourne vraiment autour de ça. Puis, comme d'ailleurs, il y a une vidéo, parce qu'il fait de la vidéo, lui, il fait de la photo, il fait de la performance, il y a même du ready-made. Ooh. Vous en souvenez, qu'est-ce que c'est? Oh boy, attends un peu. Attends, les objets Internet. Qui sont déjà... mais pour faire d'autres choses, pour les montrer sous un objet tel quel qu'on remet, comme le premier ready-made, c'est Marcel Duchamp qui a fait ça, c'était une urinoir. Oui. Qui avait appelé ça fontaine. Puis donc ça, c'était vraiment l'urinoir qui est prise tel quel puis qui est placée dans un musée. Donc ça devient une œuvre d'art. Fait que c'est l'objet qui n'est pas transformé, qui est juste placé là. Oui, exactement. Comme il a reçu de l'argent pour ça. Non, c'est pas vrai. Peut-être à la fin de sa vie, mais... Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de choses vraiment dans cette exposition-là, de la vidéo, je pense que je l'ai déjà dit, en tout cas, pas quelque chose. Oui, vidéo, photo, poil et sillon. Ouais, c'est oui, exactement, c'est il y a même poil. Fait qu'il y a une vidéo, c'est filmé dans un hublot d'avion, là, puis là, il filme le ciel. Puis là, ben au loin, on voit une petite chasse-galerie, tu sais, le canot. Oui! Les gars, ils rament, pour vrai. Puis ça, c'est vraiment bien fait, l'illusion, elle est vraiment parfaite. Fait que c'est vraiment très amusant. Comme si de l'avion, il voyait la jazz galerie. Mais je trouve que c'est bon. Il y a des choses amusantes aussi dans son exposition. Puis aussi, il y en a un autre truc qui fait allusion à la chasse galerie. Puis là, ça donne vraiment l'impression, quasiment c'est une pub de bière, là, tellement c'est propre et liché. Mais à l'intérieur, tu sais, il y a des gars, il y a des filles, puis il y a des personnes... probablement inuit, là, parce qu'il fait des références à ça, avec les petites lunettes là, blanches, avec juste une petite ligne dans le milieu, là, que ça vient de ce peuple-là, je connaissais pas ça, mais en tout cas. Fait que dans cette chasse-galerie-là, nouveau genre, ben là, c'est l'intérieur qui est spécial, mais sinon, c'est une photo hyper lichée, puis quand j'y ai dit ça, j'ai dit, ça fait quasiment une pub, il dit, moi, c'est ça mon travail, tu sais, il est dans la publicité, puis ça, fait que là, ça... L'attention aux détails. Ouais, ça, puis c'est une belle image, puis pour vrai, ça a l'air d'un poster, là, d'une annonce de Boréal, là, ou je sais pas trop, là. Il va peut-être gagner un coco avec ça, on sait pas. Peut-être. Ah, peut-être, on y souhaite bien. Puis aussi, il y a un personnage qui est au milieu de la salle d'exposition dans un cube de verre. C'est une momie qui est momifiée avec une ceinture fléchée. Non, pas une fléchure. Là, je sais pas ce que j'allais dire là. Mais... Donc, elle est enrobée de ceinture fléchée. Donc, on comprend encore une fois la référence ici. Puis, il avait déjà fait il avait fait une performance avec cette momie-là, mais qui était momifiée avec des bandes jaunes, mettons quand c'est écrit danger, là, parce qu'il y a un meurtre, mettons. Ouais. Là. Mais là, sur la bande jaune, c'était des flèches de ceinture fléchée. OK. Noire, imprimées dessus. Puis il avait momifié son objet, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, là, mais en tout cas, il avait momifié une masse qu'il avait déposée dans un trou à Montréal. Puis ça, il en manque pas, là, des travaux là-bas. Fait que là, il est allé s'installer là, puis il a mis ses bandes jaunes là, autour, puis il a mis une pancarte comme quoi il y avait une excavation. En tout cas, artistico, je sais pas quoi. Fait que là, il a déposé la momie dans le fond. Fait que là, ben, il faisait comme s'il allait extraire, comme s'il trouvait la momie, finalement. Fait que là, lui, ça lui a donné une occasion de rencontrer le public, puis d'être dans l'espace public, puis il a vraiment aimé ça. Fait que là, ben, il va se lancer vraiment... tu sais, il va prendre la voie un petit peu de la performance. Il a beaucoup aimé ça. Fait que, ben c'est ça, il touche vraiment un paquet de choses. Puis aussi, il y a des panaches hybrides, comme des espèces de véhicules qui représenteraient l'espèce de non-prise de véhicule, finalement, que le peuple devrait prendre pour s'émanciper, finalement. Ouais, ouais. Fait que, en tout cas, c'est particulier, ça. Puis souvent, c'est ça que je trouve, c'est qu'on a besoin de l'anecdote pour bien comprendre son... Et quand tu vois juste l'œuvre, tu comprends pas nécessairement. Ben, pas nécessairement. Moi, j'ai eu la chance d'y parler. T'sais. C'est pour ça, quand tu vas dans un vernissage, tu peux parler à la personne. Puis là, vraiment, ça. Ben, c'est sûr que des fois, j'interprète aussi, puis c'est pas du tout ce que l'artiste voulait dire nécessairement. Mais là, les anecdotes sont très intéressantes derrière. Fait que c'est. Je trouve que ça, c'est un petit manque, mais en même temps. Donc, ça c'est mérite ça. Le contexte autour. Mais les arts, c'est comme ça souvent. Tu mets une œuvre, puis là, elle t'appartient plus, elle appartient au public. Là. Mais c'est ça, puis il y a dans un de ces panaches-là, il y a une petite télé, puis là, ben il y a une caméra en circuit fermé. Quand tu t'approches, ben c'est toi qui es dans la petite télé. Mais vrai, ça marche au bout, c'est le fun. Pis c'est comme c'est toi qui es dans le panache ou dans le véhicule. Là. Lui, il appelle ça des véhicules, mais en tout cas, j'avais pas saisi ça. Mais donc, c'est toi qui se retrouve dans cette petite caméra-là, ben, dans la télé. Puis ça, ben, ça m'a fait penser à Bruce Newman. Dans les années 70, il avait fait un des premiers, mettons, là, à utiliser la vidéo comme dans une galerie d'art. Puis ben, c'était ça, c'était une caméra en circuit fermé, puis c'était dans un long corridor. Tu voyais qu'il y avait un écran au bout, puis là, tu étais filmé, puis plus tu t'avançais, tu te rendais compte que c'était toi, tu sais. Puis c'était comme la première fois, ben, une des premières fois qu'on mettait le spectateur à l'intérieur même d'une œuvre. Fait que, tu sais, si le spectateur n'est pas là, l'œuvre n'est pas complète. Mm-hmm. Ah, oui. Fait que là, ben ça, c'était au tournant des années 70, c'était hyper nouveau, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus nouveau, mais quand j'en ai parlé, lui, il n'avait pas fait ça comme citation à ça, mais je trouvais vraiment que ça donnait cet effet-là. Quoi qu'en 70, j'étais pas là, mais... C'est ça. Mais dans tes souvenirs de quand t'étais pas là, c'était ça. C'est ça. Fait que, ben c'est ça. Écoute, il y a plein de... un paquet de petites choses très intéressantes, mais c'est bondé, c'est hyper... concentré. Pas qu'il y a trop de choses, là, mais c'est c'est très étourdissant, c'est très chargé. Puis il y a même une espèce de photo roman qu'il a créé à partir d'images d'archives de Radio-Canada puis de documentaires sur les momies. Puis lui, il a repris des photos de sa performance puis il a fait comme si c'était Céline Galipeau qui lisait le bulletin de nouvelles puis qu'on trouvait la momie. Sa momie à lui. Puis en tout cas, il a changé certaines choses, puis ça fait comme peut-être une douzaine de photos. Fait que ça fait comme une fiction, finalement, comme quoi on aurait trouvé sa momie à lui. En tout cas, fait que c'est. Avec des éléments de réalité. Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il aime ça, prendre des images réelles, de la réalité, pour en faire une narration, pour en faire une fiction. Fait que ça aussi, tu sais, moi, j'avais pas trop compris ça. Je savais pas, ça, c'est peut-être un documentaire qui a été fait, puis là, lui, il a pris des captures. T'sais, pour nous raconter son documentaire. Fait que là, t'sais, fait que c'est encore une fois une chance que je l'avais à côté de moi pour bien comprendre, mais une chance, moi, je vous le dis. Oui. Fait que si vous y allez, ben, vous allez tout comprendre. On dirait qu'il y avait comme l'équivalent de 2-3 expos là-dedans. Il y avait c'est pas fini. Hein. Il y a Puis il y a aussi un ready-made, là. Puis ça, c'est quand même assez particulier. Ça aussi, ça prend l'anecdote, mais c'est un poteau avec un panneau de signalisation. Tu sais, mettons qu'il y a un obstacle, puis là, il faut que tu dévies à gauche. Il y a une flèche qui courbe, là, courbé, mettons. Ouais. Là, je mime, en tout cas. On comprend. Caméra 3. OK, oui, c'est ça. Puis là, ben lui, il y en avait trois dans la ville de Montréal. Il avait décidé d'aller coller une fleur de lys puis une fleur d'érable. Comme, tu sais, si la feuille d'érable, c'était l'obstacle, puis là, le Québec, il tournait, là. Donc, il avait fait ça dans la ville parce que ça y tentait. Puis là, au bout d'une couple d'années ou d'une couple de temps, ben il a vu le poteau à terre. Il circulait à vélo, puis le poteau, il était à terre. Il y a quelqu'un qui a foncé dedans. Fait que là, il est retourné le chercher, puis là, ben il l'a exposé de... Il a volé le bien public? Ouais, c'est ça. C'est pas illégal, ça? Hey! Ben, je sais pas. Là, le poteau, il était plus là. Il a pas brisé le poteau, il était tombé. Oui, oui, mais la pancarte a pu installer. Parce que si la police le cherche, il est à Raymond Lanier. Il est dans une exposition. Oh, la bibliothèque. À Trois-Rivières, au centre-ville. J'ai mis 17, non. Fait que là, ben, c'est ça, il a exposé ça, mais c'est quand même particulier. C'est comme un gros hasard que le poteau sur lequel il était déjà intervenu, c'était comme une désobéissance aussi d'aller... Ouais. Bon. Excuse-moi de t'avoir stoulé en bas. C'est comme ça. C'est quoi son nom déjà? Je ne le redirai pas. Mais non, sauf que, tu sais, en même temps, on a des heures, des fois, on peut. Okay. Puis qui n'a pas un poteau de signalisation? Moi. Moi non plus. Ah non? Ah! Ben, moi, j'en ai un. C'est lequel? Mais c'est un panneau français, en fait. C'est stationnement gênant. J'avais trouvé... Stationnement gênant? Oui. C'est donc bien cute. Ben oui, quand ça gêne, eux autres, c'est que ça dérange. Ben oui, stationnement gênant. Ouais, fait que là, ben, j'avais trouvé ça en France, puis j'avais une amie qui était venue me visiter, puis je l'avais... J'y avais donné, puis elle l'avait ramené en avion. Fait que j'ai ça chez nous, là. Et l'enfant, t'es comme une voleuse à l'international. Oui. Mais je pensais que tout le monde avait ça, là. Non. Non, un arrest-stop ou... J'avais des amis qui avaient volé, tu sais, les gros cônes orange de construction. Ils s'étaient fait une lampe dans leur appartement avec ça. Wow, ben ça, il y en a tellement. Tu veux pas te dépayser quand tu déménages de Montréal à une autre ville. Exact. Il faut que tu l'amènes. Fait que, ben c'est ça, il y a ce poteau-là qui est là. Puis il y a des vidéos aussi. Il y en a un, c'est Pauline Marois quand elle se fait au Métropolis, là, quand il y a un attentat. Ouais, attaqué. Puis... En parallèle, mettons, c'est, l'écran est divisé en deux. D'un côté, c'est elle, tu sais, qui se fait sortir de scène brusquement, là. Puis l'autre côté, c'est Denis Lortie, le caporal Lortie. Oh boy. Je sais pas si ça vous dit quoi. Oui, le ça gars qui est tiré avait, dans puis... un, au Sénat, parlement. Ouais. Ben, à l'Assemblée nationale, ouais. Ouais, il est assis là. Puis il a tué, je pense, 3 ou 7 personnes, on m'en peut plus, là. Ouf. Puis il en a blessé beaucoup. Puis donc, il y a comme une espèce de dialogue entre les images. Puis, en tout cas, puis il y a toute une affaire sur la prise de parole, puis tout ça, que lui a voulu créer une fiction à partir de ces deux séries d'images-là. Puis en plus de ça, en tout cas, ça m'a troublé un peu parce que l'avocat de Bain, là, le gars qui a tiré sur, au Métropolis, il a voulu... En tout cas, je sais pas où ça aboutit, mais il a voulu plaider une espèce de jurisprudence avec le caporal Lortie. Parce que c'était comme deux personnes avec des troubles mentaux qui étaient insatisfaits d'un gouvernement, puis que Richard Bain, c'est juste un meurtre, fait que c'est tellement moins pire que l'autre. Okay, là, ah, ben oui, toi! Je sais pas si lui savait ça quand il a mis les deux images en parallèle, là. Mais en tout cas, ça m'a fait quelque chose. C'est très, très sombre comme histoire. C'est très particulier. Puis, c'est aussi, vraiment une expo juste... complète. Hein? Oui, ah, vraiment. Ouais. On est encore sur la même expo qu'au début de la conversation. Oui, puis il y a une autre vidéo aussi avec un autre soldat, puis il y a un manifeste, puis il y a d'autres photos, il y a d'autres affaires. Non, je dis, il y a vraiment une charge. Puis il cite aussi la charge de L'Orignal est Pormiable dans une vidéo où ça, c'est une pièce de Claude Gauvreau. Puis il y avait un gars qui était pris dans un hôpital psychiatrique, puis il défonce des portes avec sa tête. OK. OK. Fait que c'est comme ça, la charge de L'Orignal est Pormiable. Puis Claude Gauvreau, c'est lui qui faisait de l'exploréen, là. Les Innu, Kozigak. Non. Bon, il inventait un langage. Puis il faisait beaucoup de mots-valises. Fait que c'est pour ça, est Pormiable, c'est comme épouvantable, formidable en même temps. OK, bon. Un petit peu de culture. Ben là, oui, pour c'est vous. Ça. J'aime ça, les mots-valises, moi. Ouais. Les porte-manteaux, comme on l'appelle. Fait que c'est Claude Gauvreau, c'est un des signataires de Refus Global. Puis il a écrit « Les oranges sont vertes »,« La charge de L'Orignal est Pormiable ». Puis lui, il s'est suicidé dans les années 70, je pense, à 42 ans. En tout cas, c'est un être très troublé. Il a été interné plusieurs fois, puis en tout cas, c'est pas de lui que je voulais parler pantoute. Bon, fait que je vais juste vous lire un extrait de son manifeste, parce qu'il a fondé un groupe qui est écoute, ça s'appelle genre Québec Identité, là, je sais pas, là. Je le vois pas, mais en tout cas. Fait que, voilà, je vous lis un petit extrait, ça va vous donner le ton aussi de ce qu'il pense. Filles et fils de bébés boomers, nés dans un monde où tout a été dit, vécu, essayé, vérifié et contre-vérifié, nés après le rejet de l'Église et du mariage, après le refus global et de toute forme d'autorité sur nos vies aléatoires, après l'échec du marxisme, du socialisme et bientôt du capitalisme, né après deux révolutions avortées, l'une dans le sang, l'autre dans le confort, et deux référendums perdus. Filles et fils d'Internet nés en apesanteur dans l'univers du web, submergés d'informations et abreuvés de pornographie hardcore. Filles et fils de l'éducation démocratisée, lâchés dans le monde, bardés de diplômes, mais criblés de dettes. Force est de constater que nous sommes les 25-35 ans, une génération très qualifiée, des plus critiques, mais sommes toutes démobilisées. Peu de choses nous lient en dehors de nos amitiés et de nos relations de travail. Et quand il est question de se faire une place, chacun est laissé à lui-même ou à son couple. Spectateur du monde, commentateur de ce qui s'y passe, nous liquidons notre vitalité intellectuelle à critiquer plutôt qu'à agir. Le cynisme l'emporte trop souvent. Et là, ça continue. Ah ben, j'aime ça. Donc, c'est ça. C'est un... C'est un grand concerné de sa génération et du Québec. Bon, fait que là, c'est correct, là. J'ai pas tout dit sur son exposition, mais là, ça fait longtemps. C'est fait sur la table. Non, mais bon, c'est ce que c'est. Il y en a beaucoup, beaucoup à dire. Il y avait vraiment un paquet de choses. Fait que, mais là, je pense que j'ai fait quand même un bon tour. Mais ça vaut la peine quand même d'aller circuler là-dedans. Mais il y a vraiment comme une surdose d'images. Mais en même temps, c'est très révélateur de notre époque aussi, la surstimulation. Fait que, tu sais, il y a de quoi qui fonctionne quand même dans tout ça. Mais tout pour tous les goûts, maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que je vous ai amené une chanson. As-tu le temps, là? Ben oui. Ben en fait, c'était en hommage à... Puis ça m'avait tout de suite fait penser à lui. C'est Claude Gauthier. Le plus beau voyage? Oui. Fais le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roche et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table, de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France, je suis de chômage et d'exil, je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000, je suis notre libération, comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile, Gava à Mani Kouagan. L'acteur de Chambre en ville. Oui! Avec le plus beau voyage. Oui, donc, on se disait justement qu'on ne savait pas que c'était qui chantait. Mm-hmm. Moi, quand la première fois je l'ai rencontré, c'est dans Chambre-en-Ville. Et c'est ma mère qui m'avait dit qu'il chantait. Ah ouais! C'était le chum de Louise Deschâtelet, c'est oui, ça? Oui, puis il s'embrassait bizarre. Dans la vraie vie? Non, non, dans l'émission. Ah, dans l'émission? OK! Ah, ouais, ouais. Ben, elle s'appelait aussi Louise, là, pas Deschâtelet, mais ouais. Ah, quelle émission, Chambre-en-Ville. Et que j'ai aimé ça. Ah, quand plus ça. Que Graffiti. Ça joue plus à Prise 2, ils ont enlevé ça. Ah, ouais, ça joue pas à Prise 2. Hein? Ouais. Mais ça, ils savent pas se brancher Prise 2, son non, écoute, j'ai-tu des DVD de tout ça, moi? Non, je pense pas. Non. Saison 1. Je sais pas. La meilleure. Non, non, j'ai pas. Ouais. Non, j'ai Ouattatata, par exemple. Mais oui, moi aussi. Mais oui. Donc, et puis, je vais juste. OK, ben, je veux juste vous dire vite l'autre là, exposition qu'il y avait, parce qu'il y en avait quand même une autre, ouais. Mais je vais très rapidement. Là. C'était il y avait de la place pour une autre? Ouais. Wow. Ben, il y a comme une grande salle qui est comme divisée en deux là-bas, puis une autre salle vraiment l'autre bord. Là. C'est un grand local. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est une très belle salle d'exposition, d'ailleurs. Mais c'est François-Mathieu Bouchard, qui est un ancien étudiant de l'UQTR en études québécoises. Lui, il fait de l'impression 3D avec du plastique biologique. Oh. Puis, excuse-moi. Puis, c'est toutes des fermetures éclairs, plus ou moins grandes. Il y en a des très, très grandes, il y en a des tout petites, il y en a des dans des socs, il y en a des suspendus qui rappellent un peu des colonnes vertébrales. Mm-hmm. Puis, lui, il voulait représenter un peu l'espèce de processus créatif qui... les idées là, qui sont sinueuses. S'ouvre et se ferme. En tout cas, fait que tout un propos derrière ça, mais l'effet visuel, il est super intéressant. Là. Puis tu te promènes là-dedans, puis l'éclairage est tamisé. Ouais. C'est beaucoup plus épuré. Ça fait comme du bien d'arriver là après. C'est après autant de stimulation visuelle. C'est ça, là, tu arrives là, puis OK, c'est très doux, c'est très apaisant, c'est comme méditatif un peu. Tu sais, il n'y a rien, on capote pas. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire autre que c'est des... Oui, c'est ouais. Ça. Mais ça marche, là. C'est très bien qu'est-ce qu'il a fait, mais tu sais, ça reste que c'est toutes des fermetures éclair différentes. Il y en a qui ont le zip, là, puis il y en a qui l'ont pas. Mm. Ça ressemble un peu plus à une colonne vertébrale, d'autres que ça ressemble vraiment à des zips. Mais tu sais, le coup d'œil, là, il marche, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est ça. Ça me donne envie de clair. Ah, j'avais le goût de vous dire qu'il y a... Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ah, ben il y a un vernissage le 4 décembre au Zenob. Okay. Gilles Deveau qui fait du pastel, qui est super bon, super beau, super fin. Puis, c'est vrai. Oui. Puis là, il y a une expo bénéfice à la Galerie R3. Oh! Oui, d'ailleurs, on va en parler oui, demain. Avec Candréanne, je crois. Oui. Demain, oh. Anne Barr. Oh, les arts qui sortent du pavillon, moi, j'aime ça. Absolument. On lui a dit, tu reviens quand tu veux à elle, Andréanne. Donc, elle va revenir pour nous parler de ça demain. Bon, parfait. Merci, Marie-Christine Perra. À dans un mois et demi, deux mois, trois mois, l'année prochaine, 2017, bonne année! Non, sûrement dans deux semaines. Dans deux semaines, ouais, on va reprendre le beat à un moment donné, dans deux semaines. Puis ton téléphone est rendu à combien de pourcents? 52! Elle a mis à charger à 14% avant sa chronique. Il était à 7. 7%, ça va bien, ça va bien. Il y a du bon courant ici. C'est ça, le courant passe, c'est comme on dit. Bref, voilà. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Malheureusement, on doit se quitter parce que dans une vingtaine de minutes environ, ça va être la rediffusion du Mathieu Plante Show. Merci à David Ferron pour sa chronique La Carte Vichy. Merci à Marie-Christine Perra pour Gratin et Fin Gratuit. Demain, à l'émission, demain, on va être mercredi. À 7h30, Sébastien F. Gartin va être là pour le bulletin Gartin. À 8h30, Gabriel Béaud va être là pour la chronique Dans les coulisses de la Luître. On va parler d'improvisation. À 9h, on l'a dit, on va parler d'art visuel avec Andréanne. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Plus tard sur nos ondes, je l'ai dit, la rediffusion du Mathieu Plante Show à 10h. Ensuite, à midi, c'est Rock de Neurone avec du rock progressif, aussi en rappel. À 14h, Tania et moi serons de retour pour une nouvelle édition des Palmarès C'est Fou. À 19h, toujours en direct avec Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci de Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Est-ce qu'on se retrouve demain à 6h30? Ça devrait. Ouais, mais avant ça, à 14h tantôt. Oh oui, café. Café. Bon café. Bon café. Et d'autres cafés. Et plus tard, d'autres cafés. Exactement. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est comme ça que ça fonctionne. À demain. Bye.